Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de tout ça. Oui, oh oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Je suis Florent Bernard et comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Absolument. On revient d'une tournée, mais dans toute la France. Les gens, tu sais, les gens ont gueulé qu'on arrive si tard. Je sais. Je reçois des messages qui ont donné envie d'abandonner, plus ou moins. Mais non, ça va. T'as dû bien le prendre et bien gérer la situation en plus, te connaissant. Je les ai bloqués. Bien tous, sûr. Tous autant qu'ils sont. C'est la rentrée, quel plaisir. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés. Tout d'abord, elle a commencé son métier de comédienne à l'âge où j'ai plus ou moins capté comment fermer lacet. Elle a joué dans Nelly sa mère, Respire, Irréprochable ou Mon inconnu. Elle a interprété Eugénie Grandet, France Gall et bientôt Dominique Tapie, mais c'est en Aurélie Diaz, aventurière rêveuse, que vous pourrez la voir dès mercredi au cinéma dans Jack Me Moon et Les Secrets de Valverde. C'est Joséphine Japy. Bravo. Bravo. Bravo. Bonsoir. On s'applaudit. Ici, on s'applaudit, on n'a pas peur, on y va. Un des plus vieux souvenirs que j'ai de lui, ce sont ces trois mots, comme un ordre adressé à l'enfant de prolo que j'étais, Reims ta baignoire. Et depuis deux spectacles, des dizaines et des dizaines de films, une centaine de chroniques radio, deux réalisations pour le cinéma dont Irréductible, sorti il y a quelques mois. Il a prêté sa voix à un Emoji, un Playmobil, mais surtout à Bruno Kézak, un agent-manager propre sur lui, balancé sur l'île la plus dangereuse du monde dans Jack Me Moon et Les Secrets de Valverde. C'est Jérôme Commander. Oui. Merci Michel. Comédien et humoriste, il est aussi le réalisateur, scénariste et capitaine de ce gros navire qui arrive dès mercredi, je suis un ringard. Il m'a fait le cadeau de me proposer d'écrire ce film avec lui et Tristan Schulman, je l'ai remercié en proposant une scène où il se prend un peu de pisse de François Damien sur le visage. C'est Malik Bentala. Bravo. Merci. Merci beaucoup, quel plaisir de vous recevoir tous les trois. Quel plaisir d'être plaisir. Là. On a... c'est... Mais c'est vrai qu'il y a du scato dans la filmo de Malik. J'avais pas remarqué qu'il y avait du scato dans Mimoun. Mais qui est discrète dans certains, ce qui est discrète. Oui, bon, là, c'est plus du pipeau, c'est pas du scato, c'est oui, pipi. Non, là. Non, oui, non. C'est pipi. Bah, t'évolues. Oui, j'évolue. Bien sûr. Tu affines avec les années. Évidemment, évidemment. C'est fou parce que peu d'acteurs ont revendiqué ça. C'est vrai. De jouer avec le... C'est une revendication d'éclectisme. Moi, je l'ai dit, dans Jack Me Moon, ça va, c'est assez absent. C'est la seule. Hein, en c'est vrai. La, c'est la un seule. Petit paix, il y a un petit paix. Oui, mais c'est encore. Toute grande œuvre, normalement, il y a un paix. C'est très correct, franchement, c'est très clean. Ouais. C'est vraiment, c'est un peu. C'est du le Citizen Kane du paix. Exactement. Non, mais c'est vrai. C'est un peu premium. C'est ça. Donc, je crois que vous ne connaissez pas vraiment l'émission ou un peu de loin. Si. Jérôme va la résumer. Alors. En l'occurrence, ce sont des. Bah, c'est une émission sur l'antagonisme, en fait. sur le Candide. Oui, quiconque est baigné dans un bain doit ressentir différent. C'est le principe du scénario. Et vous analysez ça. Alors, parfois, avec des journalistes de cinéma, avec des gens de la cinémathèque, avec Serge Toubiana, avec. voilà, des gens du Masque et la Plume. Serge Toubiana Oui. En trois mots ou. Non, c'est plus ou moins ça. C'est plus ou moins ça, puisqu'en fait, c'est des news un peu insolites et il faut deviner un peu ce qui s'est passé. C'est les grosses têtes. C'est les grosses têtes. C'est vraiment pas loin. C'est plus ou moins les grosses têtes et toutes les émissions de divertissement en radio depuis 35 ans. Voilà, on se réinvente. Alors, je me permets, excusez-moi, je me permets de vous couper. Nous étions en tournée avec ce magnifique film qui sort le 12 octobre. Dès mercredi. Secret de Valverde. Et à la fin, souvent des projections, nous faisons des débats avec le public. Ah oui, c'est vrai. Et des débats, pas des débats, des discussions. C'est un film qui prête à échanger. Et je ne savais pas à quel point la cote de popularité du Floodcast avait dépassé limite les frontières. Presque. Presque. Et oui, est-ce que, bah oui, vous savez où sur Terre on vous écoute, vous avez des petits points comme ça sur le globe. C'est Florent, moi je suis monsieur chiffre. De me donner les accès au stat. C'est pour le payer le moins possible, donc je dis rien à Adrien. Non, il y a un peu partout. Après, c'est juste des Français expatriés, mais oui, on est écouté un peu. Mais donc, toi, aux quatre coins du globe. Mais non, mais toi, tu fais le film, tu dis allez, je me mets sur l'affiche, j'écris, je co-réalise. Et à la fin, la première question, c'est t'as écrit avec Florent Bernard. Il est sympa dans la vie. Il fait les grosses têtes aussi dans la vie ou pas? Ah, je te jure. Bah écoute, ils nous écoutent, donc on les salue, on les embrasse. Cette première information, une femme pompier volontaire à Niort a été suspendue par sa hiérarchie. C'est pas un vrai ou faux. A été suspendue par sa hiérarchie. À votre avis, qu'a-t-elle fait? Une faute professionnelle pendant l'exercice de son métier? Pas pendant l'exercice de son métier, mais une faute professionnelle. Est-ce qu'elle était habillée en pompier? Non, que, alors elle est. C'est une très bonne question. Elle est même habillée tout court, même. C'est la question que je me pose. Est-ce que c'était dans l'exercice personnel de sa fonction de vie privée? Plutôt vie privée. Est-ce que elle a utilisé son statut de pompier pour faire autre chose? C'est exactement. Genre quelque chose de privé. Un striptease? Non, pas un OnlyFans. Est-ce qu'elle a utilisé le camion? Alors, elle a utilisé le camion. Pour déménager l'échelle? Non, pas. Pour déménager tout court? Pas pour déménager. C'est coquin? C'est pas coquin. Non. C'est cocasse. C'est la question co. C'est un peu cocasse. C'est la question co, c'est la question in. Bien sûr. Jure en français. Donc c'est un peu coquin, tu dis. C'est pas du tout coquin. Ah, pas du c'est tout. Pas du mais tout. Arrête, Adrien. Enfin. Ah, pour ses enfants. Douche. Ses enfants. C'est pas elle ses a pas enfants. Fait kiffer ses enfants avec un camion de pompier. Mais on n'est pas sûr qu'elle soit habillée. Quand si, si, elle est habillée. Elle est habillée. Pas en pompier. Ça, j'en sais rien. Elle a utilisé du matériel. Oui. Elle a utilisé le camion. Le camion. Elle a utilisé le camion. La grande échelle. Pas la grande échelle. Un GoFast qu'on a fait des tuyaux, peut-être. Elle a utilisé le camion pour déposer ses enfants à l'école avec la sirène. Pour tuer quelqu'un. Pour tuer personne. Kanye West avait fait ça. Kanye West avait offert un camion pompier à ses enfants. Est-ce qu'il y a de l'eau? Il y a de l'eau dans l'histoire? Bah, tu y es. Il y a de l'eau dans l'histoire. Remplir sa piscine. Elle a rempli sa piscine. Oh non. Mais attends, mais il avait la réponse. Classe. Attends. Mais pas du tout. Non, voilà, de l'eau, remplir la piscine. Ça fait 8 ans que je fais cette émission, Malik. Laisse-moi au moins ça. Déjà que j'ai pas écrit sur Jack Mimoun. Selon les informations de West France, en pleine canicule du mois d'août, elle aurait voulu remplir sa piscine toute neuve, alors même que des restrictions d'eau étaient imposées depuis plusieurs jours. Il est notamment reproché à cette sergente-chef, donc en plus haut gradé, d'avoir profité d'une manœuvre d'entraînement à laquelle participaient d'autres sapeurs-pompiers volontaires pour raccorder un fourgon de grande capacité, pouvant contenir jusqu'à 4000 litres d'eau, à un poteau incendie et remplir une partie de sa piscine, tout juste construite, à son domicile. C'est pas grave, je trouve. C'est pas si grave, si, ah je sais ouais. pas. Bah t'es de droite, mon pote, qu'est-ce que je te dis? Non, mais je sais pas, j'en sais rien, mais ça me choque. Bah, t'as détourné 4000 litres d'eau. Voilà. Ouais. Voilà, qui appartient à la collectivité. elle est jugée. Oui, c'est vrai. Bah, elle a été suspendue, en tout cas. Tu couperas ce que j'ai dit, là. tu vas mettre. On était en 4ème. Oh, je suis outré. On était en 4ème de Libération, Adrien, déconne pas. On est de gauche maintenant. Lindsay Johnson est atteinte du. Oui, ils nous ont dit qu'on était le chauve et l'hirsute, c'est resté là à Adrien. Le chauve et l'hirsute, selon Libération. Au début, ils disent l'insouciant et le soucieux. Ce qui est déjà pas. Étant moi, donc le soucieux. Et après, ils disent le chauve et l'hirsute, qui est juste des insultes au bout d'un moment. C'est vraiment. C'est ça, le skin et le crado. Ou alors Jackie et Michel. Ouais. Connaissant Libé, ils auraient pu aller plus loin. C'est pas des softs. Lindsay Johnson est atteinte du syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Tachycardie orthostatique posturale. Tachycardie orthostatique posturale. J'ai réussi à le dire du premier coup. Bravo. Bien joué. Ouais. Ça se déclare via une allergie assez surprenante, à votre avis, laquelle? Est-ce qu'elle tremble? Alors, elle finit par trembler, mais c'est une allergie à quelque chose qui la fait trembler. Est-ce que tu peux redire le nom du. Bien sûr, du tachycardie hypostatique posturale. Voilà, avec facilité. J'ai parlé en même temps, pardon. On peut le redire une cinquième fois. Une tachycardie hypostatique posturale. Alors, c'est orthostatique. Orthostatique. Est-ce que c'est genre un alien? Est-ce que c'est les poivrons qui la font trembler? C'est alimentaire? C'est pas alimentaire. Ah. Mais alors, attends, il faut qu'on trouve quoi? En quoi consiste? Elle est allergique à quelque chose. Ok. Tu as dit quoi? L'eau. Au vent? Non, pas le vent. Non. Un poète. Un animal. Un animal. Pas un animal. Un aliment. Pas un aliment. Une matière. Non, pas une matière. Ah, j'allais dire un tissu. C'est saugrenu comme allergie. C'est un peu saugrenu. D'accord. Bon, est-ce qu'on est dans les classiques Sperme, merde, tout ça? Non, pas du non, tout. Ah, pas du tout. Non, bienvenue. Non, mais. C'est des classiques, ça, pour toi, l'allergie? C'est des classiques. Aïe, aïe, aïe. Pardon. De l'émission, je parle. Oui, c'est d'accord, d'accord. Est-ce que c'est une allergie insolite, genre Noël? Non, mais c'est une phobie. Ah, ouais. Une sorte de. Non, c'est pas une allergie. Non, c'est une vraie allergie. C'est un truc matériel. Enfin, c'est. Non, c'est pas palpable. C'est pas palpable. Oh, c'est pas tangible. Non. L'air, un truc qu'on respire. Le parfum. Non, non, non. La fumée de cigarette. Pas la fumée de cigarette. La vapote. La fumée de chicha. La fumée de voiture de pompier. Alors, est-ce que c'est le robot d'enlever la fumée? C'est quelque chose qu'on respire. Non, pas du tout. Mais il faut que tu respires, selon Mickey 3D, bien c'est sûr. C'est pas rien de le dire. C'est vrai. C'est pas quelque chose qu'on respire, c'est pas de la fumée, de la lumière. Mais quelque chose qu'on vit. Voilà. La lumière. Non, c'est pas la lumière, EDF, mais on l'électricité. Est dans c'est quoi EDF, Eric Judor, la pub d'Eric Judor. Eric Judor, Haribo. Les ondes. Pas les ondes. Une allergie à la musique. Pas à la musique, mais on est vraiment sur des choses vraiment pas palpables, pas tangibles, des trucs de. Mais qu'on exerce tous. Le Wi-Fi, le Bluetooth. Non. Attends. On exerce. D'ailleurs, on le ou la Wi-Fi. Ah oui, petite question, le ou la Wi-Fi. Bah je viens de le dire, le pour moi. Putain, d'accord. Ouais. Je dis le, ouais. Ok. Ouais, moi aussi. Et ben non, c'est plus sur vous tous. Sur toi, ça fait plaisir. Sur vous toutes et vous tous. C'est, on se rapproche de c'est Wi-Fi, Bluetooth. Non, non, c'est assez éloigné de ça. On est quand même dans un truc, mais qui est pas effectivement, qui est pas un objet, qui est pas. Mais on l'exerce tous. Tous dans la pièce, tous. Une odeur, une odeur. Ah, genre l'oxygène, enfin je sais pas. Non, le CO2. Non, pas loin, non, non. Pas l'oxygène, pas l'oxygène. C'est pas palpable, tu dis. Okay, c'est trop bizarre. C'est pas magnétique. Mais franchement, je suis désolé, mais là vraiment. Non, mais ça va nous. Tu peux nous rendre fou. Si la réponse, il s'avère que c'est palpable, je vais péter un câble. Si c'est genre la salive, c'est palpable. Non, mais j'avoue, pas ça. Bon. J'avoue que je suis un débile, c'est... mais là je savais que la salive était palpable. Vous avez tort de dire l'anxiété dans l'IB, t'as raison. La kryptonite. Pas la kryptonite. Quelque chose qu'on aimait, nous, en tant qu'être humain. Je pense. Non, on le subit plus. Ah, la gravité. Gérald Darmanin. Elle est allergique à la gravité. Très bonne réponse de Joséphine Japy. C'est pas absolument psychologique. Mais on notera quand même le petit tacle au gouvernement de. Pas Bernard Mabille. Mais ça veut dire quoi qu'elle est debout et elle tremble. Alors c'est exactement ça. Non, oui, bon, enfin, allergique à la gravité. Donc elle a Parkinson. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, bon. Mot de tête intense. Feignasse quoi. Ça c'est les Français, ils veulent pas bosser. Je suis allergique à la gravité. Attends, non, mais voilà. Je te demande ce verre, d'ailleurs. Tu trembles de l'élimine. On peut plus rien dire. Maux de tête intense, étourdissement, sueur froide, fatigue extrême, évanouissement. Tous ces symptômes sont ceux du syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Dépression pour moi, mais. Ah ouais? Je sais pas, non. Là, une américaine de 28 ans, Lindsay Johnson, pour elle, il est quasiment impossible de rester debout plus de 10 minutes sans perdre connaissance. Ce qu'elle considère comme une allergie à la gravité. Ah oui, elle considère, d'accord. N'importe quoi. On gratte un peu. Non, mais personne on a passé 20 minutes sur un truc qu'elle considère qui n'est pas diagnostiqué. Oui, c'est ça. Autodiag. La jeune femme ne peut toujours pas être indépendante et compte beaucoup sur son mari James. Et là, j'aime bien cette petite phrase. Si je prépare un repas pour James et moi, je vais rester au lit, incapable de faire quoi que ce soit pendant les 3 jours suivants. Donc, une feignasse. Malheureusement, voilà, hein, je crois bien. Non, mais en fait, elle a peut-être juste un problème d'oreille interne et elle s'est dit c'est plutôt une allergie à la gravité. Oui, ça pourrait être ça. Peut-être, ouais. Peut-être lui conseiller d'aller voir un médecin, peut-être. Oh, oui. Je sais pas, vrai. Non, mais. Adrie, les bons tuyaux. Bah écoute, on n'y pense pas forcément. Mais... En tout cas, l'INSEE fera pas le décor penché. Oh pas mal. Et ouais. Et ça, c'est vrai. Ça a fait le décor penché autour de la table un petit peu. Oh, on l'a installé avec Jérôme. C'est vrai. On l'a installé au départ. Est-ce que vous avez fait, vous, sur Jack Mimoune oui. Alors, bon, des soucis de gravité, il y en a eu un petit peu. Il y a eu du pont suspendu, tout ça. Est-ce que vous avez fait des cascades? Est-ce que ça a été un tournage même intensif? Jérôme, j'ai envie de commencer par toi. Intensif. Non, je sais pas. Je me méfie toujours de ces trucs-là parce que. Oui, d'acteur qui se plaint. Ouais, d'acteur qui se plaint. Mais toi, t'as enchaîné quand même Irréductible, Grand Froid. Et là, et même Forêt d'ailleurs dans Irréductible aussi. Oui, enfin, Daniel Day-Lewis, c'est là où je veux en venir. T'es Daniel Day-Lewis. Oui, je vais faire un an maroquinier à Florence, comme lui, pour voilà, me calmer, faire des selles de cheval et des sacs à main. Non, après, on sait toujours pareil, on revisite ça de manière un peu rigolote et voilà, on oublie les... Il me semblait que tu t'étais blessé. Saleté de tournage. Ils savent pas, les pauvres gens, ce que c'est de faire un film. Ah, ils savent pas. Non, il me semblait que tu t'étais blessé. Ah oui, oui. Ouais, tu peux pas en faisant une cascade. c'est très con parce que je me suis blessé, ça n'a rien à voir avec le tournage. sinon, ça fait un peu héroïque. J'étais suspendu à l'hélico. l'hélico devait me lâcher dans le cratère du volcan. Et puis, non, pas du tout. J'ai choisi de laisser mon petit souvenir donc dans un hôtel, un resort nord-coréen dans lequel on... Ah oui, c'était l'ambiance, oui. C'était l'ambiance, c'est-à-dire que vraiment on serpentait, on passait la gate du vigile, on serpentait 5 minutes. Vous avez tourné en plein Covid, c'est aussi une info que vous dire, c'était très restrictif. Et c'était tout noir et puis on arrivait dans une espèce de building vraiment où il y avait rien, mais c'est vraiment, ça faisait nord-coréen, quoi. Ouais. Et comme je fais un petit peu de terreur nocturne, j'ai eu l'idée de me cogner contre la table basse. Ah oui. Voilà. Et la table de chevet. Et donc je me suis retrouvé tout ensanglanté. Sauf que c'est pas comme chez nous. Ça, c'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est que chez nous c'est pas si mal. On se plaint, mais c'est que je lui disais pompier, ambulance, docteur, ambulance. Voilà, donc bref, après je, voilà, j'ai réussi à me faire. Tu t'es recousu tout seul. Oui, oui, là, il restait plus que ça à faire. Vraiment. Toi, Joséphine, oui. Tu t'es un peu entraînée pour le tournage, je crois. Un petit peu, oui. Ouais. Un petit peu de sport. T'as un petit peu de sport avant de partir. D'accord. Ouais. Mais je partais de loin aussi, donc donc franchement, c'était pas si mal. Oh, j'ai écoute. Tu oh, la pêcheuse au compliment. Non, Adrien, question Adrien, ta gueule. Non, je vois qu'on rentre dans le physique. Non, Adrien, toi, tu t'es entraîné un peu récemment. Personnage jovial. Un peu, ouais. Non, pour le film, tu veux dire. Pas mal. Je fais pas mal de squats pour aller le voir. Ouais, bah non, mais voilà. En plus d'Adrien, moi, j'ai pris une dizaine de kilos pour le film. Pour le film. Pour le film. Pour l'aspect jovial. Avoir l'aspect jovial. Ça c'est fou, ça. Ça c'est dingue, mais c'est un peu à l'américaine. C'est un peu à l'américaine. Oh, mais bah comme Joaquin Phoenix, mais à l'envers. Ah, exactement, comme Joaquin Phoenix. Ouais, bien sûr. Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix. Enfin, c'est voilà un beau casting. McConaughey. Dans la lignée directe de tous ces grands acteurs. Oui, Matthew McConaughey. Bien sûr. Au Brésil, une eau devenue bleue représente un vrai danger environnemental. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette eau devienne bleue? Alors, est-ce que c'est une usine qui a déversé quelque chose? Non. Eh bah tiens, les animaux. Déjà présent dans l'eau? Non, pas du tout, justement. Est-ce que c'est mystique? Ouais. C'est pas mystique. Non. Tout de suite, ça. Elle est devenue bleue, mais... c'est pas. Mais c'est un poète, ce mec. Mais oui, non, mais bien sûr. Il porte du cachemire. Je peux pas dire mieux. Est-ce que j'ai un rapport avec les animaux? Cachemire. Pardon. Les animaux aquatiques? Non, il y a un rapport avec ça? Non, pas avec les animaux. Non, pas avec les animaux. Mais c'est ça n'est la pas pollution. Dans l'eau. Ça a été pollué. Ah, ça a été pollué. Mais rappelons-nous qu'avant c'était allergie à la gravité, la réponse. Donc il faut. Le monde va mal. C'est le quelqu'un qui a mal. Mis des lunettes bleues et il a vu l'eau bleue. Et... C'est Michou. C'est Michou, tout simplement. Voilà. Donc c'est une forme de pollution. Mais quelqu'un l'a pollué, ouais. Quelqu'un a pollué cette eau. Une personne. Une personne toute seule. Deux personnes. Oh. Ah. Ils ont fait une connerie dans l'eau. Est-ce que c'est les classiques pipi Non. Je commence à comprendre le concept de l'émission. Tu l'as pris en marche très vite. Ouais. Non, est-ce que ce serait des influenceurs, des youtubeurs qui ont fait une vidéo et... Non, pas du tout. Est-ce que c'est des pilotes d'un bateau, d'un truc comme ça? Non. Ils l'ont fait exprès. C'est un indice que je peux vous donner. Ils voulaient que ça devienne bleu. Est-ce que ce sont des personnes plutôt jeunes? Et insouciante et hirsute peut-être. Hirsute et chou. Ouais, peu chaud. Non, l'histoire ne le dit pas, écoute. D'accord, mais c'est pas des gamins qui ont fait une blague ou c'est une connerie. C'est pas des gosses qu'on fait une connerie. C'est quoi? C'est dans l'eau de la mer? Non, c'est dans l'eau d'une cascade, dis-toi. Dans l'eau d'une cascade, ils ont voulu faire leur lessive. Non. Est-ce que c'est pour une photo? Des gens, quoi, pour une photo, on voulait que l'eau soit bleue. Ou alors, pour un film. C'est pas mal. D'une certaine manière, c'est aussi pour une photo, mais ça peut être une fausse piste. C'est pour un truc plus grand qu'une photo, mais les photos ont été faites. Non, pas pour un film. Si la réponse est Jack Mimoun, c'est vrai que c'est un peu pour le tourisme. Pour le tourisme. Pas pour le tourisme. Pour que l'eau ait l'air turquoise. Une fête. Non, c'est une fête, une sorte de fête. Un festival. Une fête bien précise, pas un festival. Une sorte de fête. Une partouze. Non, c'est une fête, pas une partouze. Un mariage. Pas un mariage. Un enterrement. Ou party film. Un enterrement. Ah, je sais. On a Robert. C'est un gender reveal. Exactement. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Un gender reveal. C'est une espèce de cérémonie pour annoncer le genre de ton enfant à venir quand la femme est enceinte. Ah. Et du coup, des fois, c'est, tu vois, il y a une explosion et si c'est bleu, c'est un garçon, si c'est rose, c'est une fille. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, ils ont teint une cascade en bleu visiblement. Exactement. Pour dire que parce que c'était un petit garçon. Mais le problème, c'est que du coup, l'eau n'est plus potable et que les autorités brésiliennes prennent la vidéo très au sérieux. Ouais. Car la rivière Mbappé, la rivière Mbappé est une source d'eau importante pour la ville voisine qui en ces périodes de sécheresse ne peut plus s'hydrater. Tout simplement. Oui, mais ça prend des proportions ce genre de truc. Le gamin n'est pas né que déjà c'est l'ennemi public numéro 1. c'est fou. À Drogheda, Amanda, une Irlandaise, s'est mariée à Jack. Alors pas Jack Mimoun, le 12 octobre, bien sûr. Où se trouve la ville de Drogheda? Parce que en Irlande, tout bonnement. En Irlande. Ah oui, je suis féru de géographie. Ah, ça fait pas irlandais, Drogheda. Drogheda, c'est, Drogheda, c'est Espagne. Ibiza. Tu passes à Drogheda. Il y a David Guetta qui mixe à Drogheda. Jack, donc elle s'est mariée à Jack, un Haïtien qui a une particularité qui rend leur mariage assez surprenant, à votre avis. Il est mort. Alors il est dead, effectivement, mais c'est pas la seule raison de son mariage. C'est déjà bien, hein? Ouais! C'est déjà un truc. C'est pas le plus marquant, apparemment. C'est pas le plus fou. Elle s'est mariée à un gars, Jack, qui est décédé, effectivement. Ouais, depuis. Alors, il est mort depuis. Il est pas mort pendant le mariage, non? Non, mais elle l'a pas épousé alors qu'il était mort. Oui, c'est ça. Si, il était déjà mort. Il était déjà mort quand elle l'a épousé? C'est pas ça le point notable. C'est le plus fou. Un soldat. C'est possible de faire ça? Visiblement, à Drogheda. Tout est possible. Sous les tropiques. C'était un soldat? Ce n'était pas un soldat. Ce qui se passe à Drogheda reste à Drogheda. Est-ce que c'est un personnage fictif en plus d'être mort? Alors, genre un... La réponse va 30 fois, Adrien. Je te connais comme si je t'avais fait. Arrête. C'est quoi? Mais c'est un personnage qu'elle a inventé. Alors, elle... Jack n'existe pas vraiment. Ah, c'est... Il existe pour elle, mais... Est-ce que c'est sa deuxième personnalité, un truc comme ça? Non, ce n'est pas sa deuxième personnalité. Sa troisième? C'est pas sa troisième. C'était pas sa quatrième, si je peux donner un petit indice. Alors pour elle, ça existe, tu dis? Pour elle, ça existe. Et pour elle, il est décédé. Depuis, il y avait une question à laquelle je pouvais pas répondre, mais il est mort depuis quelques temps. C'est pas quelqu'un de sa famille? Pas, pas quelqu'un de sa famille. Est-ce que c'est les fameuses poupées zombies là? Non, dont on a parlé une fois. Non, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un de sa famille. C'est quelqu'un plus qui... d'être mort, c'est consanguin. Ouais. C'est ouais, mais elle l'a épousé. Elle l'a épousé. Donc, oui, est-ce qu'il existe pour quelqu'un d'autre qu'elle? Très très bonne question. Il existe, je pense, pour. Non, mais c'est bien. Deux potes, je vois deux potes. Je vois une belle amitié qui se crée devant mes yeux. Ça me fait plaisir. je pense qu'il existe pour plusieurs personnes, oui. Oui, oui. C'est un héros? C'est une sorte de héros, que, anti-héros, alors, même peut-être un peu. Est-ce que c'est justement une influenceuse et qui crée du contenu avec ce personnage-là? Ce n'est tout. Pas Léna Situation qui s'est mariée. mais non, non, rien. Ce n'est pas ça. Mais c'était quelqu'un qui existait Léna vraiment physiquement, ce Jack. Oui, pardon, excuse-moi, Léna, une autre amie à toi. Oui. Bien sûr. Et on peut appeler Léna Mafouf après? Je sais pas, peut-être que. Une story. Pas, non, je l'aime beaucoup. Ouais, merde. Ouais, c'est parce qu'en fait, comme elle a ouvert un hôtel là. Oui. Qui avait la longue. T'essaies de faire croire que tu connais les trucs de jeunes. Hein. elle a ouvert un hôtel. Mais où? Un pop, c'est un truc temporaire, je crois. Ouais, c'est un pop-up store resto. Ouais, un pop-up store. Ah. C'est vrai qu'on est à deux personnes de Léna Situation. Bah une même. Une, tu la connais, Flo? Ouais, mais je la connais. Je la connais pas assez pour qu'elle accepte une invitation. Donc, à un podcast. C'est pas elle, donc là on parle pas d'elle. Non, on parle pas d'elle. D'accord, non, mais d'accord, mais elle n'a pas épousé Léna Situation. Non, ce n'est pas ça. Qui est vivante. Qui est d'ailleurs pas du tout décédée. Ouais, ouais, complètement. Non, non, il y avait une question très bonne de Joséphine, je pouvais pas répondre, mais Jack est décédé depuis un certain temps. Ah, mais Jack Dawson de Titanic. Non, non, pas Jack pas du tout, non. Mais oh là là, mais je. C'est même vous le dire, il est mort depuis 300 ans, Jack. C'est un arbre. Il est mort depuis 300 ans. Est-ce que c'était un, est-ce que c'était un humain? Ah, c'était un humain. Mais attends, et il a vraiment existé? Bah. Aïe aïe aïe. C'est attention. C'est difficile de le savoir. C'est moi j'ai l'impression que non, mais peut-être. C'est un personnage de roman? Non. C'est un personnage fictif. C'est un personnage en tout cas de fiction qu'on peut trouver dans la fiction. Est-ce que c'est une croyance locale? C'est pas du tout. Jack l'éventreur? Non. Ah non, c'est pas un Jack connu. Épouser Jack l'éventreur. Ah non, mais un haïtien, t'as dit. C'est pas Jack Lang? C'est pas Jack Lang non plus. Non, non. Pas Jack Chirac non plus. Non, un haïtien, t'as dit. Ça va pas vous aider beaucoup. Un ça, haïtien? Bah, ouais. C'est ce que t'as dit. Oui, hein, c'est un haïtien. On le connaît, ce Jack, nous? Non, vous le connaissez pas. Mais ça nous éviterait de dire Jack l'éventreur, par exemple. Non, non, ça ne sert à rien de savoir qui est ce Jack. Non, mais il a eu un. Disons qu'il avait un métier il y a 300 ans. Et qu'aujourd'hui, il est devenu autre chose. Il avait un métier. Il s'est réincarné. Alors justement, non. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Il s'est marié avec un fantôme. D'accord. Qui est mort il y a 300 ans. Un vampire. Bien sûr. Non, c'est pas un vampire. Non, c'est un fantôme. Un fantôme, d'accord. Mais ce fantôme a une particularité. C'était quoi son t'as métier? Des variants. T'as des variants dans les fantômes. Il y a des variants dans les fantômes. T'as c'est la troisième vague de fantômes. Ah oui, non, mais je veux dire, t'es pas que fantôme avec un drap, machin. T'as fantôme vampire, les fantômes garou. T'as plein de fantômes. Bah, ça, c'est Jack Mimoune 2 d'ailleurs. Oui, exactement. C'est Jack contre le fantôme garou. Le fantôme garou. Joué par garou en plus. Un loup garou joué par garou. J'aime beaucoup ce concept. Ça s'annule. Jérôme, le cerveau de Jérôme est en train de bugger. Jérôme, ça rend dingue. C'est son métier qu'on cherche, qui est particulier. Ouais, quoi. Métier, c'est il y a 300 ans, donc on cherche le métier d'il y a 300 ans. Bah, j'aime faire un. Non, ouais, mais pensez Jack Mimoune. Ah, un aventurier. Un pirate. Un pirate. Oh un pirate. Un pirate. Elle Jacques a épousé Leborgne. Un pirate, donc. Elle a épousé un fantôme pirate mort il y a 300 ans. Parce que why not, j'ai envie de vous et dire. Comment elle l'a épousé Ouais, enfin, why. Quand même. Bon, je vais tout vous expliquer. Amanda Tegg, âgée de 46 ans, en Irlande du Nord, a épousé son amoureux fantôme, Jack, dans les eaux internationales. Deux en personnes 2000... très énervantes, les deux premières questions, là, quand même, malheureusement. Oui. Je suis désolé, on commence l'année du mauvais pied. Malheureusement, la vie n'est pas aussi magique. Ah oui, alors, afin que le mariage puisse être considéré comme légal. Donc, elle était obligée de le faire dans les eaux internationales, parce qu'il n'y a aucun pays qui accepte ça, bien sûr. C'est un sosie d'Elvis qui l'a mariée. Enfin, malheureusement, la vie n'est pas aussi magique que ce que cette incroyable union laisse à penser. Magique Bentala. Oh. Hey, hey, quatrième de Libé. Ah ouais, quatrième de Libé, ça. Ah ouais, quatrième de Libé. Ah ouais, Magic Bentala. Ou titre de spectacle. Sur une petite affiche du genre. Magic Bentala, ouais. Ouais, Magic Bentala. T'aurais un petit chapeau et un lapin. Ah, je pensais le maillot de Magic Johnson, j'avais pensé. Ah, pas mal aussi. Ouais. Donc oui, malheureusement, ils ont divorcé. C'est la mauvaise nouvelle que je vous donne. Ah, ça s'est mal passé. Ça s'est pas très bien passé. Le fait qu'il soit intangible et inexistant et pas consentant, a priori. Et que Scooby-Doo essaie de le démasquer, ça n'a pas aidé. C'est elle qui l'a quitté parce qu'il l'utilisait comme source d'énergie, a-t-elle affirmé. Souvent. Et aurait tenté de le tuer, de la tuer. Ah ! Ah oui, bah oui. Wow. En effet, quelques mois après le mariage, Amanda avait commencé à constater une dégradation de son état de santé. Ça a duré presque 2 ans. C'était peut-être une allergie à la gravité. Oui, c'est vrai, c'est possible. Ma santé ne faisait que s'aggraver. Je me suis retrouvé avec une septicémie l'an dernier, en juin. J'ai failli mourir. J'ai dû subir une chirurgie d'urgence. Pas si mal. Ouais, bah, septicémie, c'est quand on. C'est une infection du sang, non ? Ah non, c'est une infection du sang. Je crois, non ? Non, je n'arrive jamais à resituer la quel est le désordre qui fait que. Bon, bah là, je crois que c'est être marié à un pirate. Voilà, visiblement, là, c'est ça le vrai désordre imprimé. Amanda a affirmé qu'elle connaissait tout sur l'attachement et la possession des esprits. Et elle était convaincue que son mari l'utilisait pour son âme. Jack, et c'est là où t'étais pas si loin, était un vampire d'énergie. C'était Vincent Cassel, mon roi, Jack, tout simplement. Je savais. Lorsque nous mourons, il est normal de rester dans le royaume de la Terre pendant un certain temps. Mais lorsque les esprits restent trop longtemps, ils ont besoin d'une source d'énergie. Malheureusement. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui a... Malheureusement. Alors, oui, toi, savoir, cela dit. Oui, toi, t'as eu ça 2 ans avec un chevalier, je crois, aussi. Non, pas là-dedans, je crois. Non, un poisson-lune. Un poisson-lune au jardin des plantes. Il n'a jamais accepté sa propre mort, Jack, alors il voulait continuer à vivre à travers mon corps. Peu de temps après son opération, qui lui a sauvé la vie, elle a compris qu'elle devait divorcer de son mari fantôme. Et il a accepté le divorce, le mari ? Bah, elle l'a exorcisé. D'accord. Tout simplement. Tout donc simplement. C'est ah, donc il n'existe plus, donc. Elle non, ça y est, il l'a. Bah, le divorce avec un fantôme, c'est le tuer, visiblement. Ouais. Le rendre sale histoire quand même hein. Sale histoire ouais, c'est vrai que... Et je peux faire un floatcast moi aussi. Vas-y. Genre je dis un truc et vous devez deviner. Allez. Parce que tu m'as donné une idée là. Il s'est passé un truc dans ma ville de malade mental. Quelle est ta ville? Dans le Gard. Ça s'appelle Pont Saint-Esprit, c'est à côté, c'est à 100 mètres de là où je suis né. Okay. Je vous jure que ce que déjà, je dirais vrai. Il y a esprit dans le nom, donc ouais, ça fait ouais, déjà ça fait mon ambiance. On te floatcast. Vous me floatcastez, s'il vous plaît. Ah, allez, on floatcast tous, Malik. Attends, défloatcaste toi. Je me floatcaste. Toi aussi, Adrien, défloatcaste. On est exorcisé, ça. Moi, je me floatcaste. Je me floatcaste. Et il s'est passé un truc à Pont Saint-Esprit. Je vous le dis. Ça s'appelle. C'est à nous de deviner. Oui, c'est à vous de deviner. Oui, parce que là, t'allais lire le truc qu'on avait l'impression. Est-ce que vous voulez que je vous donne le nom de l'affaire? Vas-y. L'affaire du pain maudit. Éteignez les lumières. Vous alors, écoutez votre casque. L'affaire non, du pain pas maudit de, pas attention. Est une série d'intoxications alimentaires qui frappe la France pendant l'été 1951, dont la plus sérieuse à partir du 16 août à Pont-Saint-Esprit dans le Gard, où elle fera 5 voire 7 morts, 50 personnes internées dans des hôpitaux psychiatriques et 250 personnes atteintes de symptômes plus ou moins graves et durables. 70 ans après les événements de Pont-Saint-Esprit, on ne sait toujours pas à quoi les attribuer. Cliniquement, les symptômes n'étaient ceux d'une forme mixte d'ergotisme, mais ce diagnostic n'a pu être prouvé. Pour la justice, la cause est une farine avariée. Mais la vraie raison pointe une implication de qui, les amis ? Du diable ? Mm-hmm. De qui ? Du curé ? Non. Alors, 1950 c'est un truc ésotérique, enfin un non. truc non, surnaturel. Ah, c'est quelqu'un, ah. on connaît c'est son blase. C'est quelqu'un qui. A, on connaît pas son blase, mais on empoisonné ces gens. Drucker. Oui. Non. Non, c'est pas Drucker. Un psychanalyste. Pensez pas fou, à une personne. Qui a voulu, c'est genre. Attends. C'est pas une personne. C'est non. un groupe de personnes. Oui. C'est une communauté de personnes. Non, des sorcières. Oui. Pas loin. C'est une communauté La Dame de Blanche. Non. C'est une secte, un genre de secte. Le Whoop. Non. Le Whoop. Le Whoop. Bingo. Non. Vous ne pensez pas. De Malcolm to the World. La Team Crouton, vu que c'est le pain. C'est vrai. C'est la possible. Team Crouton. On dirait un film de Quentin Dupieux. Ils sont probablement impliqués dans cette affaire du pain maudit. Et donc, c'est des terroristes? Ah, pas. La non. bande à Badel non, à Basile. La bande à Bono si, la bande non. à Basile. Non. La compagnie ah Créole. Ah non, la bande à Basile, c'est vraiment des musiciens. Oui, c'est lié à un truc religieux ou pas du tout? Non. Les enfoirés c'est... Les enfoirés de l'époque? Non. Les enfoirés de l'époque en 51. Aujourd'hui Une Renault. C'est une Renault, il y a une folie. Vous pensez. C'est des criminels célèbres? Non, l'opposé. Oh. Des bienfaiteurs célèbres. Mm-hmm. Bah les enfoirés, c'est ça. Il a dit. Pas si loin, c'est Léon Renault pour moi. L'opposé de ce que tu viens de dire, Adrien. Donc des bienfaiteurs plutôt, des curés, entre l'église. Enfin des bienfaiteurs, je ne sais pas, mais ceux qui voilà, qui luttent contre. Ah des flics. Les flics. Ça brûle. Les pompiers. Des flics, des juges. plus loin, plus haut, pensée internationale. Le président, le président. Pensée internationale. Je sais pas, le Vatican. Non, les reptiliens, les Illuminati. Non. Attends, 51, on est quoi? Les extraterrestres, les Américains? Oui. Quoi, les extraterrestres? Pas loin. CIA. Oui. CIA. Oui. Empoisonner du pain dans un village. En 51. Je pense que c'est ça, ouais. Mais quel intérêt? Une farine avariée. Non. Alors j'ai pas vraiment. J'ai pas vraiment tout le. Là, j'ai mais ça, t'es vraiment dans le floodcast. Ouais, si là, t'as pas les preuves, c'est bon. Alors, mais c'est la CIA, il y a des bouquins qui ont été écrits. Tape CIA, Saint-Esprit. On précise que c'est toi qui as écrit la page Wikipédia. Non, je vous jure que c'est une histoire de dingue. Déjà, il y a un Wikipédia à faire du pain maudit. Ah, voilà, on est d'accord. Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient. Empoisonner quelqu'un et ça leur a échappé. Je crois qu'ils voulaient tester un truc. Je crois qu'ils voulaient tester une drogue ou je sais pas ce que c'était. Ils l'ont fait en France, quoi. Vraiment aller à l'étranger, très loin. Vraiment, c'est une histoire de fou. Et en plus, ils se sont quand même fait griller, ce qui est malheureux pour eux, quoi. Est-ce que vous pouvez essayer d'approfondir? Parce que là, j'ai survolé la chose, mais... Non, mais il y a plein d'hypothèses, en tout cas, effectivement. Ouais. Mais effectivement, il y a la CIA, entre autres, ainsi que le président Macron. Mais ça, voilà, on dénonce un petit... Nous prononçons pas. Visiblement, c'est Wikipédia qui dit. Est-ce que vous... Alors, je reviens à mon histoire de pirate. Oui. Est-ce que vous, autour de la table, vous aimiez, quand vous étiez plus jeune... ces histoires de pirates, de chevaliers au cinéma par exemple, et ça m'amène un peu à Jack Mimoun, toi. Oui. Je sais que quand t'es venu nous voir, Malik, Tristan et moi, avec cette idée, c'est quoi la place en fait de ces héros là dans ton enfance, dans ta vie, même encore aujourd'hui? Elle était encore essentielle. C'est pour ça que quand on se parle, que ce soit avec Tristan ou avec toi, quand je vois même les références que t'as, c'est vraiment les miennes encore aujourd'hui, que ce soit Jumanji, Jurassic Park, Indiana Jones, ça a été mes potes, ces gens-là, toute mon enfance. J'étais seul, un petit peu seul devant la téloche. Avec ton pain maudit. Avec mon pain maudit. Malheureusement. Exactement. Mais c'est cru, pour moi, ils ont été essentiels. Ouais. Ces aventures. Tu rêves une tranche. Take a slice of bread. Non, je rêve. Madame la boulangère, vous avez un accent de cuillère. Vous avez un truc qui a changé chez vous. Il est un peu plus jeunesse. Vous avez une mâchoire très carrée, madame. Yeah. Pourquoi ces lunettes de soleil dans votre bouche? Parce que autour de la table, on a aussi quelqu'un qui se prenait pour Indiana Jones. Non. Adrien? Non, j'ai voulu pendant mon enfance être archéologue à cause d'Indiana Jones. Ah. Dans le seul but de faire de la promo pour Jack Mimoun aujourd'hui. C'est absolument. Là où c'est un vrai pote. Tout est inventé. On m'a dit de dire ça. Florent m'a dit de dire ça. Ah, c'est cool. Moi, j'ai jamais vu le film. Non. Joséphine, Jérôme, est-ce que vous aussi vous aviez un peu des trucs comme ça quand vous étiez enfant? Est-ce qu'il y avait des films, une soif des d'aventure, héros, une soif d'aventure? Non, mais même pas forcément dans ces films-là, mais pas forcément les, je sais pas comment dire, le fait de le vivre soi-même, faire des chasses au trésor dans le quartier, tout ça, mais le fait de, l'impact que ça avait. Alors évidemment, à chaque fois on dit toujours les mêmes clichés parce qu'on n'avait pas d'autres écrans, il y avait très peu de chaînes, très peu de films, etc. Mais c'était fascinant. Ouais. C'est vrai que ça ouvrait un. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ce que nous disent les gens à la sortie des salles, quoi. Il y a un côté doudou du film très, très puissant, quoi, qui nous ramène profondément à ces années-là. Ouais. Toi, Joséphine? Moi, je suis mariée à Jack Sparrow au large de la Barbade. D'accord. Très bien, depuis 2004. Depuis 2004, ça se passe très bien, pas du tout vampire d'énergie. Voilà, on est très amoureux. Très cool. Très amoureux. Mais quand tu étais jeune, j'ai cru lire que c'était Harry Potter aussi, un des premiers films que tu as. Ouais, moi j'ai un souvenir d'Harry Potter. En fait, c'était j'ai un des premiers films où on m'a emmené au cinéma, mes parents m'emmènent au cinéma voir ça, j'ai l'impression d'être une adulte, quoi. Ouais. Et j'ai quelques années d'écart, j'ai l'âge des jeunes que je vois à l'écran. Et donc je me dis, ok, c'est possible de rêver à ces trucs-là. Et puis je grandis, je me rends compte que je suis française, que je suis une comédienne en France, et que le film d'aventure, je vais peut-être devoir l'attendre un petit peu. Et au final, il y a Malik, évidemment, qui vint. Et du coup, c'est génial de jouer à l'aventurière. Évidemment, c'était un rêve de gamine. Et tu penses, enfin vous pensez d'ailleurs, mais tant que je te tiens, tu penses que ça a motivé, pour les auditeurs, il la tient par le col quand il parle français, par le propos. Très bien. Est-ce que tu penses que ça a motivé tes envies artistiques, ces films-là, cette envie d'être actrice, tout ça? J'ai ce souvenir jeune, tu sais, de changer de métier en fonction des films que tu regardes. Donc, tu veux devenir archéologue en regardant Indiana Jones, puis après, t'évolues en fonction des films et à chaque fois, tu changes de métier en fonction de ce que tu regardes. Évidemment, ça, moi, le premier métier que je voulais faire, Mais ça, c'est vraiment honteux. Je voulais être bonne sœur parce que j'avais vu la Mélodie du Bonheur avec Julie Andrews. Ah, tu vois ce film où elle garde des enfants et en fait, c'est une. Bref. Et donc, je me suis dit, ok, bonne sœur, c'est faire ça. Alors que quand j'ai compris le film. Moi, je voulais être ninja, donc il n'y a pas de problème. Ouais, entre bonne sœur et ninja, si tu veux, aujourd'hui, je prends ninja. Ouais. T'as préféré quelle scène, toi, Jérôme, de la Mélodie? Moi, celle où elle met un sombrero mexicain là, dans un Starbucks. Au Mans. C'est un délire, cette scène. La classique, c'est un délire. Mais c'est pas beaucoup qui cite celle-là. On sent le cinéphile, ouais. Ouais, on voit que tu l'as vu beaucoup de fois. Elle est dans un Starbucks et elle met un sombrero, puis elle fait la conne comme ça. Ouais, je vais aller à la mairie. C'est très drôle. Ils ont failli la couper, dis-toi, cette semaine. Bizarrement. C'est une anecdote sinoche d'Adrien, ça. Oui, bien sûr, sur mon podcast. Je vais aller faire la conne à la mairie, elle dit. Pour faire marrer mes potes. Mais on va faire des conneries, elle dit, ouais, je m'en Sacré Andrews. Sacré. Julie Andrews. Et vous aviez des je sais pas, vous aviez, tu dis que t'étais seul, t'avais pas, tu partageais pas ça avec des amis, des copains, des copines? Ah si, évidemment, bien sûr, ouais. Combien de fois on a voulu creuser pour trouver des ossements de T-Rex ou de dinosaures? Combien de fois on a voulu construire des cabanes ou chercher des artefacts? C'est génial. Des artefacts. Ben oui, non. Peut-être mais travailler tous les champs lexicaux de la découverte. Steven Spielberg, c'est notre, c'est un peu notre deuxième papa à tous, quoi. On a grandi avec Steven. Au premier, moi-même. Hein, il a pris une place à un moment. Hein. Oui, clairement. De 95 à 98, oui, à peu près. Ouais, non, mais c'est vrai qu'avec Steven, ouais, non, mais c'est une grande histoire d'amour. Plus sérieusement, il est assez magique avec les enfants. Même, c'est un des, peut-être le metteur en scène qui filme le mieux les gamins. Mm. Et quand tu repenses à Elliot dans E.T., même les Goonies, même si c'est pas lui qui le réalise, mais le fait d'être impliqué comme ça et tout, c'est assez magique. Et merci Steven si tu nous écoutes. Bah, il nous écoute, hein, grand fan du podcast. Ah ouais, carrément. Hein, bah, il écoute pas tous les épisodes, mais celui-là il va l'écouter. Quand il est en vacances, il se le met dans les oreilles. Quand il a de la caisse à faire, un petit trajet, généralement il se met un petit épisode. Mais d'ailleurs, je reste un petit peu sur. Il se prend un petit bain ou comment? Ça se met des trucs au cul. Mais non, mais Joséphine a vraiment pris très vite le train de podcast. Ça vient d'elle parce que. Ah ouais. J'ai l'impression de. Là, depuis 30 minutes, j'ai l'impression que mon cerveau est en train mais de changer. Mais non, mais c'est bien, écoute. Bah, écoute bienvenue. C'est ça. C'est l'esprit podcast. Tu t'adaptes. C'est ouais. T'es dans le podcast le plus cool de France, hein, je te rappelle. C'est vrai. Oh, il y a l'after foot quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est deux. Excuse-moi. Hein, dans le film Jack Me Moon, alors déjà, c'est vrai qu'on l'a pas dit encore. Bon, ouais. Moi, je fais beaucoup de promos sur mes réseaux sociaux, etc. Mais pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi l'histoire de Jack Me Moon? C'est qui Jack Me Moon? Je suis le plus mauvais pitcher de France, mais je vais tenter. Jack Me Moon, c'est un héros dans le film, c'est un héros de télévision qui a son émission qui cartonne, son bouquin qui est un best-seller. Alors, Mike Horn, un croisement entre Mike Horn et Bear Grylls, Man vs. Wild. Et un jour, il va être attrapé par la mystérieuse Aurélie Diaz, jouée par Joséphine Japy, la truculente, la succulente. Pétulante aussi, qui n'a rien à voir avec. Flatulente également. Que l'on croit d'ailleurs. Oui. Ouais. Elle va l'emmener sur l'île la plus dangereuse du monde, île sur laquelle il aurait survécu. Et elle va l'emmener avec son équipe de bras cassés, le manager de Jack, joué par Jérôme. La pétulante. Et un espèce de fou joué par François Damien. C'est avec toute cette bande, ils vont aller chercher le trésor de la Buse, trésor qui aurait existé. Oui. Le pirate la Buse, trouvé scénaristiquement par monsieur Florent Bernard, qui nous a emmenés. Et Adrien également. Non, parce qu'on a fait une vidéo il y a longtemps sur le trésor de la Buse. Ah oui, t'étais dans la vidéo aussi. Dont le vrai nom est Olivier Levasseur. Et Jérôme n'est pas très fan de ce prénom. Il aurait voulu que ce pirate n'existe jamais parce que ce nom. Non, c'est pas ça, c'est que je dis que Olivier Levasseur. Oui, ça fait agent immobilier plus que pirate. Bah oui, voilà, exactement. Ça fait responsable des services généraux chez Intel Pentium à la Défense. Et je suis très heureux d'être avec vous, Samuel, de jouer à Question pour un champion. Ah bah merci Olivier. Merci Olivier. Merci Olivier. Et j'embrasse tous ceux qui me regardent du club des chiffres de Châteaudun. Je sais qu'il y a Steven Spielberg qui nous regarde. Tu l'as dit, c'est un personnage inspiré de Mike Horn ou Bear Grylls. Ouais. Et justement, j'ai une question concernant Bear Grylls. Alors, vous savez, c'est quelqu'un qui a sorti des bouquins, des émissions sur la science. C'est vraiment inspiré de lui pour créer le personnage de Jack, lui et Mike Horn. Ouais. Il a fait un bad buzz aussi. Alors c'est peut-être ça la question. Dis toujours. Non, mais parce que en fait, son émission où il est censé survivre dans la nature et tout, il y a des trucs qui ont fuité, comme quoi il passait des nuits à l'hôtel parfois. Oui, et tout. Oui, genre, attends, il aurait fait une Claude et Théora. Attends, comme on dit dans le jargon. Comme on dit dans le jargon de l'aventure. Claude et Théo. C'est, ah, c'est pointu. Ouais, ouais, c'est les gens longs, les gens longs. Ça a marqué la France. Ah, Claude et moi, Théo. Je l'ai pas. C'est dans Koh-Lanta. J'ai jamais vu Koh-Lanta de toute ma vie. C'est des gens qui auraient triché. Claude, il a pas triché. Non, Théo, c'est sûr. Claude, il a bouffé. Si, si, si. Et c'était en gros des gens qui auraient triché. Parce qu'ils auraient demandé à des gens qui vivaient sur l'île de la bouffe pendant Koh-Lanta. Qui nous a donné. Non, ça le rend fou. Non, mais ça le rend fou. Mais ça, non, mais je te comprends, Adrien. Je te jure, c'est dingue. Reprends un peu d'eau, Adrien. Non, je vais. Et ça nous a offert la pire finale de Koh-Lanta de l'histoire. Où tout le monde est genre. Tout le monde est dégoûté d'être ça là. A triché, donc l'argent va à une asso. Ouais. Ah ouais, donc, d'accord. Ah ouais, ouais, non, c'est une catastrophe. Vrai, t'as Denis Brognard qui est super bien, qui fait voilà, voilà. Bon, il y a pas un gros suspense parce que tout le monde sait que vous avez triché, mais on dit pas qui. Enfin, c'était horrible. Ah ouais, ouais, c'était ça l'histoire de Koh-Lanta. Ah mais dingue. Mais justement, Bear Grylls qui aurait un peu passé des nuits à l'hôtel, c'est pas beaucoup spoilé de dire qu'au début, en tout cas, de Jack Mimoune, il est un petit peu aussi dans ce luxe-là, oui, de star de la télé. Évidemment. Il survit avec un serpent, mais il a besoin de sa petite bouteille d'eau. Enfin voilà. Donc voilà. C'est vraiment inspiré de ce truc-là. Mais justement, Bear Grylls, c'est quelqu'un qui souvent, souvent, a pu survivre grâce à son urine. Alors on reprend le train du podcast. En la buvant. Alors, entre autres, je vous demande justement plusieurs façons qu'il a d'utiliser son urine et dans quel but. Alors, la boire, c'est pourquoi? Bah pour s'hydrater. S'étancher là, c'est pas. Oui, oui. Exactement. Alors, je me permets quand même de mettre un mais petit. Mais il la filtre même pas. Ah non, non. C'est brut de dans un t-shirt. Pas dans un petit filtre café. Bah après, petit filtrer, ça sert pas. Enfin, à moins que t'aies vraiment des grumeaux dans ta piste, mais filtrer. Non, mais. Cela dit, Bear Grylls a peut-être des grumeaux dans sa piste. Peut-être. Sais pas, avec ce qu'il mange. Je pensais pas qu'on allait. Ça me donne le titre d'un film, Grumeaux, mais pas trop. Peut-être. Je sais pas. Qui est à l'affiche? Qui est à l'affiche? Grumeaux, mais pas trop. Petit promo. Non, alors. C'est le biopic d'une pâte à crêpes. Mais justement, cette pratique, il ne faut pas la faire parce que non seulement ça ne vous réhydrate pas, mais ça cause plutôt l'effet inverse parce que tu te déshydrates davantage à un rythme plus élevé. Est-ce que ça sert de se la passer sur la peau? Alors je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas dans les réponses qu'on m'a données. Pour délirer, sinon. Donc effectivement, il la boit pour s'hydrater, mais ça ne fonctionne pas. Autant vous le dire. Alors, si jamais vous avez soif, préférez l'eau. Il paraît que ces méthodes étaient remises en question et tout. Il y a des gens qui disaient ouais, mais ça c'est pas du tout. Enfin, il était très. Il a bu l'urine de Michel Rodriguez de Fast and Furious aussi. Waouh. Mais pour le délire, pour le délire. Non, ah, non, oui, d'accord. Non, non, il avait fait l'émission Celebrity versus Wild. Il allait avec des sortes de rendez-vous en terre inconnue, mais plus. Ouais. Enfin, plus hardcore. Il y avait Barack Obama d'ailleurs. Ouais, entre autres. C'est ça, ouais. Alors, Barack Obama, il a pas bu sa pisse. Ouais. Mais Michel Rodriguez, il a bu son urine, tout à fait. Ah, il a bu l'urine de Michel Rodriguez, ouais. C'est de la téloche, hein. Pardon, mais. C'est Magouille et compagnie. En niveau pratique, ça se passe comment? Elle pisse dans un récipient et. Moi, j'étais pas là. Non, non, mais moi, j'étais pas là sur le moment, mais de ce que j'ai compris, ils ont fait ça. C'est truqué, mais t'es loin de chez toi, il y a les caméras, machin. Qui autour de la table a déjà bu de la pisse, là? Allez, on y va. Voilà, et puis. Non, mais non, enfin, moi je sais que personnellement. Pour survivre, pensez à la survie. Non, mais alors, comment il a utilisé son urine? Il y a d'autres usages de pipi. Est-ce que tu. Voilà, c'est ça. Est-ce que si tu mélanges du pipi avec quelque chose, tu peux faire de la nourriture? Alors, peut-être. Ou alors, peut-être du pain maudit, par exemple. Ou une tropézienne. Voilà, non. Peut-être pour faire de la glaise. Pas de la glaise, non. Pour faire de la terre assiettes. Pour fabriquer. Un petit cendrier. Moi, j'ai fait un cendrier, j'avais. Ghost. Pas bu beaucoup. J'avais pas bu beaucoup. Oh, voilà. C'est de la pisse, là? Ouais. Le fantôme. Elle me pisse dessus, là, non? Ouais. My love and you. Bah, t'es un fantôme, ça va. Tu as le fantôme qui retire ses mains. Wow. C'est de la pisse, ok. T'as passé la soirée avec Michel Rodriguez. Ouais, exactement. Donc ça peut-être, mais ça ne fait pas partie des réponses que j'ai dans ma petite. Est-ce qu'on se met de la pisse dans un orifice humain autre que la bouche? Que la bouche. Pour éloigner les animaux. Non mais. Oh, attendez. C'est trop de balle. Si je me permets l'expression. À Dubaï, j'ai des amis. Enfin non, bref. On a une très bonne réponse de Joséphine. Oui, tout à fait. Pour éloigner d'autres animaux. Ah, oui, pour marquer son territoire. Pour marquer son territoire. Bien sûr. Oui, ça c'est. Oui, pas mal. Tout de suite. Ça je valide. Ça je valide. On voit qu'il a vraiment tué. À Dubaï, t'as besoin de pisser pour marquer ton territoire. Non, pas à Dubaï. Non, pas à Dubaï. Non, pas. Non, je crois pas. T'imagines tous les influenceurs. C'est ma maison. Eh, ce serait pas si surprenant quand on voit comment le monde y marche. Mais quand tu vois les. Quand tu vois Il y a un troisième truc. Est-ce qu'il l'a utilisé pour stériliser quelque chose? Non. Mais cela dit, ça paraît pas non, mal. Non, parce que y a toi-même une... qui as vécu dans un camtar. Non, mais il y a une idée reçue comme quoi l'idée, comme quoi l'urine est stérile et apparemment c'est faux. Non, non, non. L'urine n'est pas stérile. La violence du truc pour stérile. Toi-même qui est stérile. Il n'y a pas de lien de. Rien à voir avec le fait que je bois de l'urine. Non, il y a un troisième truc. Pensez. Si vous voulez, je vous oblige en rien. Est-ce que il a appliqué l'urine sur quelque chose? D'une certaine manière, oui. Bah merci, j'en ai parlé tout à l'heure. Quoi, ouais. Oui, mais non, mais c'est pas, non, pas sur sa peau, pas, pas sur lui-même. Déjà, t'es survolté. T'es remonté, Jérôme. Wow. C'est incroyable. T'es survolté. tu y pensais, t'as un indice à nous donner? Est-ce qu'il a passé du pipi sur de l'écorce d'un arbre? Ah. T'es vraiment le poète de l'émission. C'est spécifique. Ouais. Est-ce que... Ça pourrait être un très bon titre, hein. Du pipi sur l'écorce d'un arbre. Avec Léa, c'est doux. Non, la question pratique. Pensez question arroser pratique. Des plantes, faire pousser quelque chose. Non, non, non, mais pensez survie. Il se passe quoi dans la survie? T'as chaud pour se mettre pas ça, non. Pour mais, se laver? Non, plutôt l'inverse. Ouais. Pour se salir, pour se chauffer, se réchauffer. Alors, pour se tiédir, pour démarrer un feu. Non, non, mais vous y êtes pour se réchauffer, se rafraîchir. Ah, il s'est pas pissé dessus, il a pissé dans très une mauvaise méthode. Hein. Dans une petite bouillotte de pisse. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Et qu'il a collé contre son cœur. Il a non, ça c'est du spectacle. Mais pas du tout. C'est à peine tiède de la pisse. Faut arrêter. C'est à la température. En plus, c'est à la température du corps la pisse, donc ça n'a aucun intérêt. J'ai l'impression que t'as débunké t'as plus d'intérêt à garder la pisse en toi, dans ton corps directement, que de pisser ça. Dans un truc et te mettre contre toi. Tu trépignes quoi. Bah oui. T'es mal quoi quand t'as envie de pisser. C'est ça. Mais je pense, moi je pense ça c'est du spectacle. Oh là là, il est rhabillé pour l'hiver. Bah, on n'est jamais allé sur la lune. Alors. Non mais moi je suis fan de la série Survivor Man, qui est l'ennemi de Bear Grylls. Ah, c'est quoi Survivor Man? Bah, c'est un peu la même chose, sauf que le mec il est vraiment tout seul, contrairement à Bear Grylls qui était avec une équipe de tournage déjà. Oui. Là c'est un mec qui est vraiment tout seul. C'est et toujours ce truc seul, où quand il saute d'une montagne à une autre, tu dis l'équipe technique le fait aussi. Du coup, c'est-à-dire s'il est pas et avec des vraies grosses caméras bien plus longues. Bah, pardon, non. Mais t'as les trucs même maintenant, tu peux décider ce qu'il doit faire. Ouais, tu peux choisir entre deux options. Oui, j'ai vu. Tout le monde dit boîte à pisse et fait non mais c'est bon. Les gars c'est bon. Oh, vous voyez le mal partout. La question c'est est-ce que je dois prendre l'avion ou une voiture? Je vais pas boire ma pisse, ça n'a aucun intérêt. Malik, toi t'as fait rendez-vous en terre inconnue, alors c'était un peu moins hardcore. Oui, c'était plus calme. Oui, comme je l'ai répété t'as souvent. Bu ta pisse quand même. Non, oui, moi ça c'est au quotidien, mais j'ai. En antenne. C'est vrai que oui, c'était dans les Cévennes. Dans les Cévennes. Mais est-ce que toi tu aurais pu faire un rendez-vous en terre inconnue dans des conditions peut-être un peu plus extrêmes? Parce qu'à la base c'est ce qui était prévu ou est-ce que. Oui, ils m'ont annoncé que je partais dans les Cévennes, mais ils m'ont annoncé ça. Moi j'ai cru que je partais à l'étranger, et puis un jour ils m'ont convoqué au bureau, ils ont filmé la séquence. Ils ont dit alors tu penses que tu vas partir où? Moi j'ai dit je vais partir, je vois bien un pays froid, genre le Groenland, Sumatra, le pôle Nord, un endroit très très froid. Ils me disent et si on te dit qu'on t'emmène dans les Cévennes? Là j'ai du mal à masquer mon truc et je suis dégoûté. Ils m'emmènent à 15 minutes de là où je suis né quoi. Ouais, c'est... Je suis né dans le Gard. Pense à l'esprit. Exactement, l'affaire, je sais pas si j'ai déjà parlé de l'affaire du. Du pape. Ouais, on peut en parler. Ouais. Si t'as besoin de d'exorciser le truc. C'est drôle qu'il t'ait dit et qu'est-ce que tu dis si on te dit ça? Il fait j'ai envie de me casser. Ouais. Pour des raisons évidentes. La séquence existe. J'ai vu les autres émissions. J'y étais la semaine dernière donc. C'est vrai. Mais est-ce que t'aurais pu aller dans un truc un peu. Ah oui, j'aurais adoré. Ouais. J'aurais adoré dans le cadre d'une émission de télévision, bien sûr. Oui. Oui. Tu veux dire aller dans un endroit inconnu comme dit le titre parce que là c'est pas, du coup ça enlève un truc là, quoi, c'est pas du tout rendez-vous en terrain connu. C'est ça qui est écrit en fait à la base. J'aurais adoré. Adrien, toi c'est un truc que tu pourrais kiffer, aller dans un truc un peu dans des conditions de extrêmes survie. Que toi tu vas au salon de l'extrême, faut le dire quand même. Je suis allé au salon du survivalisme. Port de Versailles. J'y suis allé il y a 3 ans, c'était avant le Covid, comme quoi on est creux le gars, pas mal. Et est-ce qu'il y a des familles qui viennent se renseigner pour des panic rooms, des trucs comme alors ça, des trucs qu'on peut avoir chez soi? J'avais pas un stand de festival, mais je t'avoue que oui, tu sens un peu une vibe des voix de gens un peu bizarres. Ouais. T'es pas forcément avec des gens avec qui j'aurais envie de partir en vacances ou passer une soirée. Et c'est des produits sous vide, genre mais en fait, qui se gardent 10 ans. Ouais, en vrai, ils appellent ça survivalisme. C'est vraiment le salon du camping, en vrai. En vrai, c'est quand même beaucoup ça, quoi. C'est des gens la foire de Paris, en fait. Oui, voilà. C'est des lunettes couteaux, de chiottes multicolores. C'est, des c'est ça. Des mais couteaux, on se fout des de leur gueule, mais le jour où il va se passer une folie, il va falloir aller taper chez eux. Adrien, il est chaud, hein. Moi j'ai une camionnette aménagée. Non, sans déconner. Je peux partir à tout moment. Comme la guerre des mondes, quoi. Exactement. C'est ça. Et là, elle est allumée, il y a les clés dessus. Et tout en bas là. Bah, dis-toi que je l'ai fait, ça l'a dit. J'ai un jour, je disais, putain, mais je trouve pas mes clés, c'est incroyable. Parce que je l'utilise peu souvent, vu que j'habite à Paris. Je disais, putain, c'est fou, je trouve pas mes clés et tout. J'ai cherché partout. Je dis, je vais aller voir sur la voiture. Oui, j'avais les clés sur le contact pendant un an. Prêt pour la survie, du coup. Prêt pour la survie. Ouais, ouais, donc vraiment au top, quoi. Non, je meurs au bout d'une journée, je pense. Non, mais oui, les. Jérôme, toi, tu pourrais partir. Parce que cela dit, t'as fait des tournages conditions extrêmes, je le rappelle. T'es Tom Cruise. Ouais, ouais, Tom Cruise. Ouais, oui, le Tom Cruise français, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on va faire la couve du film français à bientôt. Accrocher un hélico. Non, pas du tout. Non, alors vraiment, c'est pas un truc. Parce que ça rejoint peut-être une autre question. Il y a deux teams de vacanciers. Il y a ceux qui étaient piscine et je fais rien dans Jérôme, un hôtel. Ah, Jérôme, il arrive avec son bungalow, son jacuzzi. on parlait camping. Tu sais, toi, t'allais camper, t'avais une tente. Ouais. La Fuma ou Quechua ou un vieux truc. Lui, il arrive, il a le Merco Berlin. Ouais. Il arrive, la PlayStation 5. tu sais, c'est le voisin qui arrive avec son Benko et tout. Salut, voisin, comment ça va? Toi, t'es là, t'as un matelas et tout, t'es pourri. Lui, il arrive, il est équipé de la tête aux pieds. Ah oui. Ah oui, non, je suis pas du tout. J'aime bien mon petit confort. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, tu n'es pas tenté par l'aventure. Toi, Joséphine Est-ce que t'aimerais, je sais pas, est-ce que tu aimerais partir dans des pays avec des conditions un peu extrêmes? Ah ouais, moi j'aime bien. Ouais. Ouais. Ah ouais, j'aime bien. T'as déjà fait ou pas du tout? Avec mon G, tous les deux. Non, bah oui, avec. Jo, tu pars avec Jo. Ça sera déjà bien. Non, tu l'as déjà fait ou pas? Je sais pas. De partir, j'aime bien voyager, ouais. Là, ouais. C'était un peu moins ces derniers temps, mais. Pour des raisons évidentes. Pour des raisons évidentes que tout le monde connaît, qu'on ne va pas rappeler encore une fois, mais. Covid. Ouais, il l'a rappelé. Wow. Oh, le salaud, il l'a rappelé. Ouais, Attends, dans 10 ans, quand les gens ils vont écouter, ils sauront pas de quoi on parle. Ouais. C'est. on parle de se lancer des défis. Mike Tyson s'était lancé un défi il y a quelques années. À votre avis, lequel? Être vegan. Alors, je crois qu'il est vegan. Il est vegan, ouais. Ça a rendu fou ma fille, je sais pas si t'as entendu. Elle a dérivé tout son aide. Mais c'est Chucky. Ouais, oui. Ah oui, je t'ai pas dit, ma fille est Chucky. Oui. Bah, elle est au plafond là. C'était trop passé. Je croyais qu'elle est. Non, Mike Tyson s'est lancé un défi. Alors, c'était il y a quelques années, je vous le dis. Attends, est-ce qu'il a réussi ce défi? Alors non, on lui a refusé malheureusement. Ah, on lui a refusé. Ah oui, je sais, je l'ai. Tu l'as. Alors laisse un petit peu chercher. Je laisse un peu chercher, je l'ai. Si on lui a refusé, c'est une autorité qui lui a refusé. Oui, il a demandé, je peux faire ça? On lui a dit, bon, enfin, Mike, t'es fou allié ou quoi? Tabasser une ville entière à main nue. Alors, tu t'approches, on est sur tabasser. Faire un combat. On est sur du tabassage. On est sur du tabassage, faire un combat. Faire un combat contre quelqu'un. Un animal? Oh, un gorille. Il va pouvoir donner la réponse. Je crois que c'était un gorille, non? Dans un zoo, c'est pas ça? Waouh! Wow. Bah, c'est horrible. Alors attendez, mais ça, il ne l'a pas fait. Oui, mais c'est horrible de vouloir faire ça. Bon, après, Mike Tyson a mangé une oreille, je te rappelle, donc il est un peu chaud. C'est un mec chaud. C'est pas pareil. Mais toi, au moins, le mec était d'accord pour être sur le ring. Le gorille, bon. Alors justement, c'est là où l'histoire est. C'est pour ça que les gens refusaient, j'imagine. L'histoire est un peu mignonne là-dessus. J'ai voulu payer un employé du zoo de New York pour qu'il ouvre les portes juste pour moi et ma femme. Donc ça, le gardien a accepté. Donc il est les zoos privés. C'est les stars en droit. Je savais pas que c'était pour tabasser un gorille, malheureusement. Bah, j'ai cru qu'il partait tabasser le gorille avec sa femme. J'ai pas. Non, la base, il voulait juste. Pardon. Non, sa femme, elle filmait avec le téléphone et lui, tabasse. La femme reste derrière. Il lui fait une prise de l'étranglement. Okay. Une fois à l'intérieur, j'ai vu un gorille au dos argenté qui harcelait les autres gorilles. Ils étaient si puissants, mais ils avaient des regards d'enfants innocents. Et là, Mike Tyson, une sorte de héros. Devenu fou, il a voulu les tuer. J'ai proposé 10 000 dollars au garde pour qu'il ouvre la cage et que je défonce le grand gorille au dos argenté parce qu'il harcelait les autres gorilles. Bah, c'est un héros, ce mec. Il va bien en tout cas, il va mieux. Hein, depuis. Moi, je sais qu'Yvan Attal a voulu se péter avec une girafe une fois. Mais pareil, on lui a refusé. Ouais, on lui a refusé. Jérôme m'a dit, je crois qu'il faut pas se mêler. Faut les laisser. Ouais. Ils ont leur code, leur truc. Ouais. Si tu commences à rentrer là-dedans, après c'est un bordel. Ah ouais, tu mets le doigt dans un engrenage. Bah évidemment, le gardien a refusé quand même cette coquette somme de 10 000 dollars. Il a dit, bon, on va éviter. Respect à lui, c'est pas rien. 10 000 balles, ça doit. Ouais. Sachant que Mike Tyson a parlé de ce refus au goût amer, hein, encore dans son autobiographie, et que récemment, encore en 2020, il a voulu se battre contre un requin. Voilà, voilà. Simplement. Je me sens bien monomaniaque, le Mitch. Mais t'es au courant que Mike Tyson aussi, une fois, excuse-moi, je me permets. Non, mais attends, c'est toi la star. Mais je t'en prie, quand même. En fait, Mike Tyson, une fois, est rentré chez lui, a vu sa femme, son ex-femme, au lit avec Brad Pitt. Mais non, tu connais pas cette anecdote? C'est Brad Pitt qui raconte cette anecdote que tu nous sors. En ce moment, je suis en père Castor, mais c'est vrai que Brad Pitt raconte l'anecdote. Tu peux taper Brad Pitt raconte. Ouais, je crois que c'est Brad Pitt qui raconte que il était en train de coucher avec l'ex-femme de Mike Tyson et il voit Mike Tyson revenir un soir et il dit qu'il a eu la peur de sa life. On est d'accord, hein? Oui, c'est ça. Brad Pitt supplie Mike Tyson de l'épargner. L'actrice a eu la peur, l'acteur pardon, a eu la peur de sa vie. T'es en train de coucher avec la, l'ex-femme de Tyson et toc toc toc, il y a Tyson qui entre quoi. Ouais. Voilà. Mmh. Ou même ouais. Tu couches avec quelqu'un et Tyson rentre ouais. De base. Moi je suis pas bien de ouf. Ouais, moi j'ai un petit, il y a une petite ambiance. Et donc c'est un vegan mais qui rêve de tabasser des animaux quoi. Ouais. On est sur un tatou. Parle d'antagonisme. Mais peut-être oui, mais après tu sais pas, peut-être qu'il donne ses chances à l'animal, peut-être l'animal a des gants, peut-être qu'il dit non, je mets pas de coup de pied, enfin tu vois. Avec quel animal vous aimeriez vous battre vous? Savoir. Alors c'est là que tu sais qu'avec Adrien, on a un kink un petit peu d'une vidéo. Ah oui, ah, le kangourou, non? Ah oui, ma... oui, ah oui, le classique. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo où c'est un mec, il y a. Elle est mythique. En fait, il y a un kangourou qui tient un chien comme ça. Il fait une sorte de prise de sommeil, quoi. Et donc c'est le chien du gars et le mec. Court vers le kangourou qui du coup lâche le chien et se met en position de combat quoi. Et le mec fout un pain au kangourou quoi. Il fout un coup de pain dans la gueule. Et vraiment le kangourou a une réaction genre oh ouais. Il a un pas de recul genre attends quoi. Et du coup le mec sauve son chien et repart. Tout voilà. Est dans le petit pas de recul du kangourou ouais. Qui vraiment s'y attend pas. Pardon parce mais que c'est vrai. Ouais. Ouais. Je suis vraiment, parti ah, oui, bien sûr. Vraiment ah, le kangourou se dit non mais ça c'est les dessins animés. Normalement je bats avec un kangourou. Est-ce que vous voyez Chris là, Rock Will Smith ouais. C'est Chris Rock Will Smith pour moi. C'est exactement la même chose. Il y a un c'est vraiment drôle. Déjà, ah, ouais. Juste le fait que le kangourou tienne le chien comme un bully du collège. Alors, Antello, t'as fait tes doigts. Et le chien, il est, c'est bon. Laisse-moi. Ça va, j'ai cru que. Je vais le dire. Hein. J'ai cru qu'il lançait la balle, elle était derrière son dos. Bah, pardon, ça va, excusez-moi. Ça va, tout le monde dit que je suis un bon pépère, à part toi. Donc, Le kangourou qui fait une frite, j'aurais rêvé de ça. J'aurais rêvé de cette scène. Une olive. Il va pour tendre la main au mec, et juste quand le mec lui serre la main, il fait oh là, allez, trop rapide, trop lent. Ah oui, en fonzi. Ah, Jérôme découvre non, il là. Regarde. Ah, je veux commenter la vidéo, Jérôme. Bah, la non, excusez-moi, mais là, non. Avec Joséphine, oui, on a la Jeep qui arrive. On l'a prise un peu longue. On l'a prise un peu longue. Mais du coup, moi, ça m'avait lancé un peu sur une piste des. Je savais pas que les kangourous étaient si agressifs en fait. Ouais. Il y a une vidéo qui est incroyable aussi. C'est un mec qui se filme avec une GoPro en parachute. Ouais. Et le mec, il est genre, ouais, c'est génial et tout. Il est sur le point d'atterrir. Et il pose un pied au sol. Ouais. Il y a un kangourou qui vient l'agresser, mais directement. Il fait, oh putain! Il se bat avec les kangourous, il se casse et tout. Les kangourous sont très agressifs et terrifiants. C'est ça. Celui-là ? Ouais. Incroyable. J'adore que le kangourou est vexé. C'est vraiment ça. Bah, il s'y attend pas. Kangourou il vexé, surpris, bon titre d'épisode, attention. Hein. Kangourou vexé. Ou de youtubeur. Mon cocker, ouais. Quand je me barre et qu'elle ne vient pas avec moi, je ferme la porte et elle me regarde genre, pauvre con. Pourquoi tu m'emmènes pas avec toi quoi. Parce que t'es pas le centre de ma vie. Voilà. Ouais. J'étais sûr que t'avais un chien. Je pensais aujourd'hui, je me disais, je suis sûr que t'avais un chien. Et bah t'as un chien. Voilà. Putain, il se fait des petits paris dans la vie comme ça. Non mais je sais pas, je me disais, je suis sûr qu'il a un chien. Ça veut dire qu'il te trouve sympa. Moi j'ai des codes pour Adrien. Non mais moi j'ai un chien qui est ma vie donc. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que c'est Adrien comme... C'est un croisement. En fait, non, je disais, les... qu'est-ce que c'est Adrien comme prénom? Adrien. C'est un empereur romain, mais moi c'est sans le H. C'est quoi comme chien? Bah, elle est sans doute croisée Jack Russell, mais autre chose. Mais comme elle est adoptée, je sais pas. J'ai pas fait le test ADN parce qu'ils font des tests ADN. Oui, pour 23 chien. And Me. T'as fait ça sur ton chien? Non, parce qu'il n'y a pas besoin a priori, c'est un cocker. C'est ça. Mais moi, je pourrais savoir, mais j'ai pas encore sauté le pas de faire un test ADN pour mon Jack chien. Russell. Ce qui me fait penser à Jack Mimoune. C'est vrai. Ah, le pirate fantôme. Sûr. Merci Adrien d'avoir pris ce type de chien, rien que pour la promo. Oui, bien sûr. J'ai pas de chien, hein, c'est encore une fois. Je dis ce que Flo me dit de dire. Non, mais tout pour la promo. Toujours dans les zoos, une visiteuse pardon d'Anvers s'est vue interdite de zoo. À votre avis, pour quelle raison? De zoo. Alors elle a pas voulu défoncer un gorille, ce n'est pas la réponse. Est-ce qu'elle voulait entrer avec un animal? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle elle s'exposait d'une manière ou d'une autre aux animaux? Genre elle montrait ses seins. Mais pas forcément, je sais pas, où elle faisait des trucs où elle. Les tours de magie. Je sais pas, peut-être non, quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Elle s'est vue refuser l'entrée. Refuser l'entrée. Parce qu'elle elle-même pensait être un animal. Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'elle était dans mettez-moi en cage. Mettez-moi en cage. Est-ce qu'elle était dans une tenue particulière? Elle n'était pas dans une tenue particulière. Est-ce qu'elle était amoureuse dans des animaux? Alors, on s'approche. Aïe. Encore? On s'approche. Ben oui, c'est ça. Elles sont toutes folles dingos dans ton truc. C'est que des cinglés. Mais non. Elle envoyait des nudes à un pangolin. Je sais plus. Ne le faites pas chez vous. Ouais, non, surtout pas. Non, elle l'a pas envoyé de. Non, mais il y avait une histoire d'attirance. Bah non, en fait le problème, je pense que je vais devoir vous l'accorder parce qu'on n'est pas très loin et je pense que. Si on n'est pas loin. Ah, elle était amoureuse de elle disait qu'elle était amoureuse d'un gorille. C'est ce que disait Joséphine, mais en vérité c'est plus le zoo qui dit ça. Ah, elle a friendzoné un zèbre. Elle a friendzébré. Elle l'a ghosté. Enfin, c'était, dans une friendzone. Malheureusement, friendzoné un zèbre devient le titre de cet épisode. Non, mais en fait, elle est venue trop souvent. Souvent, et les gens disaient bon. Elle est venue trop souvent voir ce chimpanzé. D'un ému. Ah, wow. Ah oui. Et oui, ah. Cette jeune femme de interviewée par ATV explique en pleurs: cette bête m'aime et je l'aime. Pourquoi faire ça? J'ai une relation particulière avec ce singe. Selon elle, l'animal la reconnaît. Il y a eu un de. Ouais. Oh, non, ouais, non mais je veux dire. Comme des ronflants là. Bah, et alors bah, elle faut alors, la laisser cette dame. En quoi ça la dérange? Alors justement, je vais vous expliquer. Il y a une raison. Non, mais t'as pas à nous expliquer, Flo. C'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné. C'est pas toi qui es en cause. Ouais. Non, on te respecte, mais. Non, parce que je vois bien que vous me jugez. Selon elle, l'animal la reconnaîtrait et viendrait aussi spontanément voir à chaque fois la jeune femme. Le chimpanzé la salue par des signes et embrasse la vitre. Mais malgré de très nombreux avertissements du zoo, rien n'a changé, elle continue de venir. C'est pourquoi, afin de garantir le bien-être du singe, les responsables du parc ont décidé de l'exclure définitivement. Et le bien-être de la vitre aussi. mais là, je vois pas où est le mal. Alors, je vais t'expliquer, tu vas voir. Moi, je trouve ça beau pour le moment. Tu vois, on est dans un truc. T'as le nom du zoo? Je suis en. C'est un zoo, c'est à Anvers. Un zoo d'Anvers. Ah, c'est en France. On peut les appeler, c'est. Attends, zoo d'Anvers. ça part en Guillaume Play. J'écoute. On va appeler le zoo d'Anvers, on va les insulter. Je vous place la cage des singes. Oui, allô? Oui, cage des singes, bon, j'ai. Vous avez la même voix. Oui, c'est moi. Fermé. Vous avez couru à l'autre téléphone. Ah oui, j'ai dit c'est en France, pas du tout. Anvers, non, pas c'est du en Belgique. Ah, non, je suis fort en géo. C'est... Non, mais c'est l'Europe francophone. Non, mais je pensais à Anvers, la station de métro en fait. T'as confondu une station de métro et une ville. Voilà. Ce genre d'interaction avec un visiteur se produit de temps en temps, ce n'est pas grave. Mais Madame Timmermans, parce qu'on la call out, hein, j'ai l'impression, passe souvent des heures devant la vitre avec Cheetah. Elle a été interpellée par les soignants, les biologistes et même les autres visiteurs. Elle a toujours refusé de respecter les règles du parc. Ah. Pourquoi en fait? Parce que Cheetah a vécu pendant 8 ans avec des êtres humains en tant qu'animal de compagnie avant d'être amené au zoo. Et son arrivée il y a près de 30 ans était loin d'être facile. L'animal a dû longuement apprendre à se débarrasser de ses habitudes humaines et comprendre comment se comporter comme un chimpanzé. Et comme quoi, quand on n'a pas le contexte, on peut juger. Et là, on revient sur ses pas. Avec les autres. Ouais, mais c'est une belle leçon qu'on offre aux auditeurs là, comme quoi. Non, bah là je retourne bien ma petite veste. Un petit là. Mea coupe, peut-être. Ah, ouais. Peut-être des excuses envers ce chimpanzé, Jérôme. Oui, sur pardon Cheetah. Ouais. Voilà. Le hashtag d'ailleurs, pardon Cheetah, que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux. En top tweet. Cette attitude envers les visiteurs n'est pas naturelle et Cheetah finit par être exclu du groupe. Les autres chimpanzés l'ignorent. Ah, oui, voilà. Ils ne la considèrent plus comme faisant partie du groupe et l'excluent. C'est donc garantir le bien-être du singe. Tyson, je veux pas y aller. Oui, c'est ça. Il va se faire tabasser. Tyson va. Après, tu sais comment ça finit. Oh, l'un dans l'autre, on va trop déçu. Non, mais c'est une belle parabole de notre époque. Quoi. Ouais. On se jette sur les arguments et en fait, on n'a pas le recul. Ah, ouais, ça, voilà. Et là, t'as Hugo Clément qui fait demi-tour. Il était déjà sur l'autoroute. On peut pas être pote avec un singe. Ouais. Ah, Hugo. Calme-toi, Hugo. Molo, Hugo. Ok, pardon. Je vais me taper avec Gaspard Proust. Laissez-moi tranquille. Vous avez tourné en Thaïlande. Et bien, sachez que dans cette région, il arrive de trouver des animaux avec des spécificités étranges, presque surnaturelles. Je suis Fred et Jamil en même temps, ainsi que Marcel le camion. Ils ont les dents très propres. Oui, c'est vrai, grâce à Oralbé. Je vais vous en énoncer plusieurs. Ah non, c'est McLesguy. Ah, oui, il a dit McLesguy. D'ailleurs, j'étais en plein dans le mille. Pas de dire mieux, j'étais en plein dedans. Mais c'est vrai que McLesguy, dans les pubs Oral-B, presque maintenant, il menace. Il dit: écoutez, les dentistes l'adorent. Prenez du Oral-B, sinon je vous tape. Wow. C'est clairement pas le texte. Je vous tape. Alors, Mac, on va la refaire. Non, tu sais qui je suis. Mon prénom, c'est Mac. Tu connais un autre Mac que moi? Je te les pète, tes dents. Ouais. D'ailleurs, il s'appelle Olivier Lesgourg. Non, tu savais, vous le saviez, qui est aussi un pirate. Dis le Fennec. Le trésor d'Olivier Lesgourg. En vrai, plus un nom de pirate que Olivier Lesgourg. Mais à quel moment, je fais une parenthèse McLesguy, mais je trouve que Oral B est en train de bouffer E égale M6 dans mon image bien de McLesguy. Mais ça existe encore, Egal M6 ou pas? Oui, bien sûr. Alors trouvez-nous des acteurs, allez, j'adore faire ces jeux-là, un acteur qui a été bouffé par sa pub. Bah, alors pas bouffé mais cloudé à un moment, c'était beaucoup what else. Et il y avait deux trois films. Bon, il y a d'accord. Films, et avant qu'il soit il y a un petit panache, quoi. Bouffé par autre chose, il y avait Richard Berry qui mange un yaourt aussi. Ah, oui, c'est vrai, effectivement. Il y a aussi Joey Fritzonga et Kinder Bueno qui a été avant. C'était pas c'était pas non, c'était pas Marielle, c'était lequel qui est ah non, Jean Rochefort, mais il y a à ma guise, Nestor Burma, Guy Marchand ouais, qui faisait le tiercé là, non? Ah non, Omar Sharif. Mais Guy Marchand aussi. Ah ouais, non, pas que c'est Omar Sharif. Je crois que t'es raciste. Je vais chercher. Il y a un petit jeu dans le jeu qui me plaît. Ça c'est voilà, ça c'est l'esprit Floodcast. Vous avez très bien compris l'esprit Floodcast. Bienvenue. Mais il y avait Marie-Pierre Caze aussi. Bon là on est sûr. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Là on l'a. C'est vrai que Please a bouffé la carrière de Marie-Pierre. Oh là là. Voilà. Allez, et ça, personne c'est n'en parle. Quoi, c'est ah oui, toi, on est peut-être un peu jeune. Moi, je l'avais pas vu cette vidéo. Oui, je connais pas. Pas la En fait, elle se jetait sur une table qu'elle dévalait comme ça, en, comme Superman. Et parce qu'il y avait après du avoir mis, oui, on lui a demandé de le faire dans la flamme, elle a refusé. Alors vraiment, ah ouais. Bah non, elle a 87 ans. C'est bon. Ah ouais. On lui a évidemment pas demandé, Malik. Alors, Guy Marchand, le PMU. Le PMU. Pas en deux mots. Guy Marchand, PMU. Voilà. Donc, effectivement, Guy Marchand. Waouh, pas mal. Mais bon, il a pas été bouffé par ça parce que personne ne le savait à part moi. Clairement. Donc, pour revenir à mes petits animaux de Thaïlande, je vais vous en énoncer plusieurs. À vous de me dire si on a vraiment trouvé cet animal vrai en Thaïlande. Ok. Voilà. Un serpent à fourrure. Vrai. Ouais. Je crois que j'ai vu. Ah, il y a la vengeance du serpent à plumes. Je crois que ça existe. Mais en l'occurrence, c'est Coluche. Ouais. Alors, je sais pas si on en a trouvé en Thaïlande, mais j'ai été confrontée récemment à une photo d'un serpent à fourrure. Oui, tout à fait. Alors, c'est une très bonne réponse. Capturé début mars dans un marais de la province de Sakon Makon. C'est de la fourrure de quoi? Non, c'est de la fausse fourrure. Ah, d'accord. Que nos amis vegans se rassurent. C'est de la fausse fourrure. Sakon Nakon. Oui, ça se dit peut-être pas comme ça, mais c'est Sakon Nakon. Ah, Nakon. Nakon. Excuse-moi, le passionné de Thaïlande, qui est Jérôme Commandeur. Ah, il met l'accent tonique au mauvais endroit. La rotta, je l'ai mis au très mauvais endroit. Un serpent poilu d'environ 6 mètres de long qui a intrigué les scientifiques. D'après les informations de Yahoo Australia relayées par le magazine Geo, donc c'est recoupé, hein, vous avez vu, c'est pas n'importe quoi. La fourrure verte qui recouvre le reptile serait en fait des algues ayant poussé sur les écailles de ce serpent. Il n'y a jamais de conneries sur Yahoo en plus. Non, tout est très mauvais. Les écailles sont au-dessus de la peau. Donc principalement... pas de fourrure du coup. Ce sont des écailles mais qui ont l'apparence de fourrure. Oui, ça ressemble à la fourrure. Mais c'est des algues, t'as dit. Oui, oui. Ouais, mais ça ressemble vraiment à de la fourrure. On dirait quand tu vois l'image, c'est vraiment. Oui, non, mais du c'est coup, un peu comme les baskets Veja, tu vois, c'est pas de la vraie. Tu vois, c'est ce genre de choses. Non, mais c'est comme si quelqu'un avait de l'eczéma et on dit, oh, il a des écailles. Non, il a de l'eczéma. Eh, vraiment, ouais. Pour moi, t'as des écailles, mais après. Ouais, c'est vrai, Adrien, c'est vrai. Non, mais c'est pas. Non, mais j'ai vu que t'as acquiescé. Ça travaillait comme moi, j'ai vu. Une chèvre à moustache. Oh. Ouais, elles ont pas toutes. Non, elles ont des boucs. J'aime bien. Non. Non, c'est non. Ouais, moi j'ai oui. Ouais, allez. Ah, si. Moi je dis non. Et non, ça n'existe pas. Y a, ah là là. Un varan à barbe. Un varan qui. Alors à chaque fois je vous dis, c'est pas une espèce connue, hein. C'est genre un animal qui a ça, hein, dans tout. Oui, bon, il avait des algues sur la bouche et puis on a dit qu'il y a une barbe, quoi. Ah ouais, tu commences à avoir un ton extrêmement agressif envers ces animaux. Il avait, voilà, il a mangé de l'herbe, il en a un peu sur le menton, ils ont dit, oh là là, une barbe. Bon. Ça va pas là. Ouais, non, pareil. Je suis énervé. Tout est faux. T'as envie de dire vrai, Joséphine? Ouais. C'est malheureusement une mauvaise réponse. Ils ont raison, ça n'existe pas. Un chat à deux têtes. Bien sûr, ça oui, bien sûr. Oh là, Jérôme. Je te dis oui, mais alors sans détour. Alors Jérôme a les poils qui se hérissent. Oh là là. Oh non. Oh non, il dégueule. Ah, Jérôme dégueule devant lui. Oh non. Ah, Jérôme se branle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Sur le chat de tête. Très bizarre, très bizarre. Oui, je veux dire vrai. Non, c'est vrai à 100%. Non, mais alors c'est pas deux têtes, c'est une tête avec deux visages. C'est une très bonne réponse. C'est un chat à deux visages sur une tête. Ouais, un chat à deux têtes. Oui. À la surprise de la propriétaire, et on la comprend, un chaton avec deux visages est né le 17 juillet dans la province de Lapang, dans le nord de la Thaïlande. Il se porte très bien jusqu'à présent et boit du lait avec ses deux bouches, a déclaré le propriétaire. Waouh. Et oui, attention au lactose, hein, parce que ça fait deux fois plus. Par contre, il y a deux oreilles. Il y a deux oreilles. À la photo, j'ai pas vu l'image. L'image est un peu impressionnante. Je vous le dis pour trigger warning pour nos. Alors c'est pas celui-là que j'ai vu moi. Ça va. Ils partagent un œil. Moi ils avaient quatre yeux par contre. C'est ça. C'est mignon en vrai. Ouais, c'est un petit effet optique. Jérôme est en train Jérôme tombe. Bon, il faut. Jérôme s'ouvre le bas de la nuque. Alors depuis, Mike Tyson l'a tabassé ce chat. Oui, voilà. C'est vraiment, il a obtenu l'autorisation. Là, là. Non, écoute, il faut savoir que ce chaton a deux noms. Du coup, il y a deux visages, sac d'argent et sac d'or. Ah. Il faut savoir que ces chats, c'est pas une. Y oh, ça doit être une traduction, oui, j'imagine. Oui. Approximative en tout cas. Il y a sac à merde aussi. On les appelle les chats. Sac aspirateur. On les appelle les chats Janus. Ils ne survivent généralement pas, pas plus. Van, pas de van, pas non, de van. Non, non, mais c'est l'aigle. C'est l'aigle à deux têtes. L'aigle à deux têtes, oui. Ah, ah oui, oui, le dieu, oui, oui. Putain, mais. Dieu de visage. Et Janus Joplin aussi. Bien sûr. Qui avait deux visages. Qui avait deux visages. Bien sûr, c'est connu. Voilà, ouais. Janus. Janus Joplin. Oui. Il ne survit. Janus Joplin. Il ne survit généralement pas plus d'une journée. Alors là, vous dites Mais non, mais non, mais non, pas eux. La chaîne américaine CNN rappelle que ces animaux sont vivants depuis maintenant 2 mois. Ah. Et qu'il y a même un On est soulagé. Il y a combien de temps cet article? Dead, ils sont. mais il y a un record. Un chat nommé Frank et Louis a vécu 15 ans jusqu'en 2014 aux États-Unis. Ah, c'est lui qui t'a montré? C'est le premier que j'ai montré. Frank et Louis? Frank et Louis, ouais. Deux mecs super. Ah ouais. Des gens, non mais propres en plus. Ah ouais. Ouais. Moi, c'est ça que je me pose la question. C'est comment ils se lavent? Ouais. Tu sais, le ah oui, c'est vrai. Ah oui, ouais, qui lèche qui? Qui lèche qui? Qui lèche quoi? Ils ont qu'une bouche, non? Non, là, ils ont deux bouches. Ah, eux, non, ils ont deux bouches. Qui lappe qui? Qui lappe qui? C'est une île à côté de Krabi. Ouais, on était à qui lappe qui. Et une émission sur la 2 aussi. Qui lappe qui, présentée par Olivier Mine. Une poule à deux culs. Poule à deux culs. On a le prénom de cloaque. Clovis de cloaque. Oui, j'irai oui, moi. De cul, tu dirais oui. Une poule à deux culs. Ça dit quoi ici? Une poule à deux culs. T'as dit Clovis de cloaque? Ouais, j'ai essayé, mais elle marchait pas. Il y avait Jamel de bouche, juste avant, je l'ai pas fait. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, parce que du coup, il lui faut deux appareils digestifs et tout ça, donc non, moi je dis non. C'est non, c'est non. C'est oui. C'est oui, Adrien. Je vais dire oui, moi. Oh là là. Eh bien, c'est oui. Ouais! Et oui, elle a quatre pattes, deux culs et quatre pattes. J'élève des poules pondeuses depuis 15 ans. C'est le prénom. Non, c'est. J'élève des poules pondeuses depuis 15 ans. Je n'avais jamais vu de poule avec quatre pattes et deux fesses. La nouvelle s'est répandue. Des fesses, ça n'a ça pas de fesses. Ça a des fesses, les poules. C'est pas des fesses. Ouais, non, c'est pas des fesses. Les fesses. Non, c'est bonne fesse bien. Bonne fesse, bonne fesse de poule, là. Bon boule. Bon boule de squat, hein, je crois, c'est une bon boule de poule. Squat, je crois. Bon boule de poule. Qui est un club de vacances, qui est un club de vacances. La nouvelle s'est vite répandue et les gens ont commencé à affluer à la ferme Big Bum pour apercevoir la poule à quatre pattes et Big deux. Big Bum. Ouais. Qui veut dire gros cul. Ça a hein. été renommé ah ouais, depuis, non bah oui. Sûrement. Big Bum. Qui a depuis été baptisé Nong Nam Chok, qui se traduit par le petit qui porte chance. En effet, les villageois observent le comportement de la poule dans l'espoir qu'elle leur révèle d'une manière ou d'une autre les numéros gagnants de la loterie du mois prochain. Bien sûr. Avec ses deux culs. Avec ses deux culs. À la manière de la mère de Stallone, je sais pas si vous connaissez cette histoire. Bien sûr. Jérôme, bien sûr. Tu peux nous la rappeler. Bah, elle lisait, elle est décédée. Hein, mais je crois, ouais. Elle dit qu'elle est vivante, mais je crois qu'elle est mariée. Elle lisait l'avenir dans les anus humains. C'est ça, dans les lignes de l'anus. Ouais. Lignes de l'anus. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'est une cartomancienne de l'anus, quoi. Ouais. Une anus mancienne. Nostradanus, on peut dire. Le titre de l'épisode, voilà. Nostradanus. Je suis sincèrement désolé. Friends on Earth, t'es pas mal. Donc oui, ils observent le comportement de la boule dans l'espoir qu'ils leur révèlent les gagnants du loto. Pour l'instant, les villageois pensent que le 942 pourrait être le numéro gagnant du loto à 3 chiffres. Le 9 parce que c'est un chiffre porte-bonheur en Thaïlande. Le 4 parce que la poule a 4 pattes. Et 2 parce qu'elle a 2 culs, tout simplement. Il faut savoir que ces poules à 4 pattes souffriraient d'un défaut génétique de naissance appelé polymélie. Polymélie poulain, tout simplement. Elle pond 2 œufs par jour. Ah, mais ça, on ne sait pas. Mais ça serait fou. Une poule sans tête. Moi, j'arrête de me prononcer. Après avoir été tranché la tête, oui. Pendant une. Quelques secondes. Non, une poule sans tête qui serait vivante. Elle est née sans tête, quoi. C'est impossible, une poule sans tête. Non. Ah, il va te dire que oui, mais. Alors, déjà, tu m'agresses. Ça va la gâter. Genre, vivante. Ah, vivante. Mais qui n'a pas de genre, tête. Elle a fait sa vie, quoi. Elle a fait sa vie. Oui. Alors, elle a pas passé un CDI, elle a pas un appartement dans le 11e, mais oui. Mais elle a quand même un bec à un autre endroit que sa tête. Ah non, il y a rien, non, c'est aucun appareil de. Elle est née, elle dit bah mince, comment je vais manger? Et elle est morte. Ouais, quoi. Elle est morte, ouais. Alors, je vais vous donner la réponse. Elle n'est pas née sans tête. Ça faisait ça. Elle n'est pas née sans tête et elle a continué à vivre. Oui, mais combien de temps, à ton avis? Bah, une semaine. Non. Non, 2 heures. Non, non, non, 18 mois. Non. Quoi? Non, ah, écoutez-moi bien. Cette poule vit sans sa tête. Elle fait elle la mange pas pendant 18 mois. Des infos. Écoute bien, je vais tout te raconter. Elle picore avec son cou comme ça. Bah, du pas coup, des plus grosses bouchées. Des infos thaïlandaises. Et tout le monde pensait qu'elle allait mourir rapidement. Aujourd'hui, elle refait parler d'elle car elle est toujours vivante. Malik est en train de débunker. Mais non. Il est en train mais non. C'est dans la province de Ratchaburi. On a tourné là-bas. Ah ouais? Ratchaburi, ça me dit. Vous l'avez vu? Vous avez demandé un autographe à la poule? Non, mais si on avait su. Non. Est-ce qu'elle est copine avec celle qui a deux culs? Elle vit dans la province. Elle vit sans tête, arrachée par un chien un peu joueur. C'est ah oui, elle est un peu joueur. Elle a été adoptée depuis par des moines bouddhistes qui lui donnent à manger avec une seringue. Ce n'est pas la première fois qu'un gallinacé survit aussi longtemps sans tête. Un poulet américain surnommé Mike a ainsi vécu lui aussi 18 mois sans sa tête. Au début, personne ne croyait à cette histoire. Il a fallu que le propriétaire l'amène dans l'université de l'Utah à Salt Lake City avec son poulet sans tête pour que l'information soit confirmée. Wow. La survie de cette poule sans tête est scientifiquement explicable, Adrien. Mais parce que c'était une espèce de légende urbaine, le fait que les poules vivaient encore sans tête. Bah en fait, c'est vrai, quoi. C'est possible, en tout cas. Le cerveau moteur des gallinacés est situé dans une zone basse du crâne. Si la tête est coupée suffisamment haut au niveau du cou, une partie des fonctions automatiques importantes, comme la respiration, reste intacte. Et si la jugulaire n'a pas été rompue, la poule peut survivre. Alors n'essayez pas chez bravo vous, elle, bien sûr. N'essayez pas de ça. Non. Ne décapitez pas des poules. Non, faut pas faire ça. Sans transition aucune, Malik, vous ne le savez pas, est un acteur qui a décroché un record. À votre avis, lequel? Acteur français qui a un record, il est le numéro 1 en France. Tu le sais? Ah, pas tu du es tout. Au courant de ton pas propre du tout. Record? Alors vraiment, là, c'est pas une vanne, hein, c'est un vrai truc. Hein. Est-ce que c'est pas... C'est vrai? Oui, oui, ce n'est pas par rapport à un nombre d'entrées. Tu as trouvé cette info sur le net? Je l'ai moi-même trouvé. C'est toi qui a annoncé le record. Je m'en suis rendu compte. Je vous l'annonce. C'est une découverte. C'est une découverte de ma part. Waouh, attention. Donc potentiellement c'est faux. Ça peut être Guinness Book. Je suis Guinness Book en fait. Tel que tu me vois. Est-ce que ça a à voir avec un film? Ça n'a pas à voir avec. Est-ce que film, ça a un rapport avec les différents rôles, genre, je sais pas, personnages qui ont le même prénom ou ouais, non, ce n'est pas ça. Malik, t'es quand même le mieux placé pour répondre à cette question. Ah, mais alors là, moi, des tu records. Pas, record en termes d'entrée. T'es l'homme de tous les records, d'entrée, d'ailleurs. D'entrée, en termes d'entrée. Dans 50 Minutes Inside. Ouais. Malik Bentala est l'homme de tous les records. Un petit portrait en 5 dates, peut-être. Je vous sors l'iPad. Allez, on y va. Alors, oh là là, un porno. Oh là. Ah, j'ai oublié de me mettre en veille. Oh là là, aïe aïe aïe. En termes de nombre d'entrées? Pas le nombre d'entrées. Nombre de sorties? Pas le nombre de sorties. Non, il y a des acteurs qui ont fait plus de films. Des lieux de tournage. Pas les lieux de tournage. Longévité de carrière. Qui reste à l'affiche longtemps. Non. Non. Tout devient avec... insultant pour Malik là, les réponses. Est-ce que ça a à voir avec l'étranger, genre le nombre de fois où c'est non. Le charisme, ça a à voir avec le charisme? Non, c'est très humiliant. Fois, c'est très gênant. C'est la qualité gênant. Des films, non, non, pas non, du tout. Pas ça. Oublie. Est-ce que très loin? Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il chose du 36? Aïe aïe aïe. Info c'est la meilleure vanne. Info Wikipédia qui vient de tomber. Je me suis imaginé avec des tout petits yep, des grosses cuisses. chez Gémeaux. Ou les avant. L'arrière d'un cheval en fait, tout simplement. Ouais. Hein, tout simplement. Alors, bah, non, c'est pas ça. Est-ce que Malik a deux anus? Non, Malik n'a pas deux anus, Malik a une tête. Oui, exactement. Mais Malik a un record, encore une fois. Un record. C'est lié record. Vraiment au cinéma. Oh, vraiment, oui, c'est pas lié au stand-up, mais, c'est pas lié mais à la cinéma, télévision. Par rapport à sa carrière, à l'acteur. Par rapport à sa carrière d'acteur, est-ce oui. Que c'est quelque chose de négatif? C'est pas lui qui est allé un nombre de fois au cinéma. Est-ce que c'est négatif? Ah non, c'est très positif. Très positif. Est-ce que ça a à voir avec. Moi, je suis pas venu de tailler un peu. Mais même toi, c'est sympatoche. Je suis à la maison, ressort même toi, tu sais pas. Tu sais pas? Je sais pas du tout. Est-ce que ça a à voir avec la promotion d'un film? Pas plus que ça. Non, non, non. Est-ce que c'est. Pardon, vas-y. Ouais, vas-y. Non. Oh là là, mais. Mais non, mais j'en fais rien. Non, genre, c'est le plus grand nombre de quelque chose. Oui, c'est ça. Ok. De gros mots dans un film? Pas du tout. Non. Je pense qu'il y en a deux, trois. Je pense que Bigard te bat en un film. Mais c'est pas. Le missionnaire. Est-ce que c'est par rapport à un film ou par rapport à. Plus c'est plusieurs films. C'est pas, tous pas tous les films. Pas tous. Et est-ce que c'est films. Par rapport au film ou alors le rôle le... Non, non, le film. Le film. Ah, les, doublage les de films. Dessin animé. Non les films. Non, pas doublage de dessin animé. Les films. Regardez, Jérôme, il a une piste. Il fait des petits onomatopées. Est-ce que c'est lié à un record qui aurait eu lieu chez lui? C'est-à-dire que, par exemple, dans son village, il a réuni 8000 personnes pour regarder Taxi. Non. Et c'est donc c'est sur plusieurs beau. Films que t'as ça. T'as vu comment je te brosse, mon Malik? C'est beau. Oh là là. Est-ce que c'est mondial? Un vrai coiffeur. C'est mondial ou c'est que français? Français. Est-ce que c'est le plus grand nombre de films? C'est ça. Ah ok. C'est ça. Le plus grand. Vas-y. Est-ce que c'est le est-ce que c'est le comédien français qui a le plus grand nombre de films distribués à l'étranger? Non non non, c'est pas ça, ça a été proposé. On reste en France. On reste en France. On reste en France. On reste au cinéma. Le plus grand nombre de films qui ont une spécificité, quoi. Je sais. Ah, je crois. Ça y est, je sais. Est-ce que c'est le... est-ce que je suis le comédien français qui a le plus de films en 4DX? Très bonne réponse. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Eh oui, hey. Oui, il a, écoutez, il est l'acteur qui a joué dans le plus de films qui sont diffusés en 4DX. Taxi 5, ouais. Jack Mimoun, ouais. Et Sonic 1 et 2. Et Sonic 1 Sonic et 2, dont oui. il fait la voix, sont également Bravo. Sortis en 4DX. C'est combien vous avez de films en 4DX? Mais personne, zéro, bande de nuls. Exact. Mais comment, t'as, comment t'as vérifié cette info? Si, Eugénie Grandet en 4DX. Eugénie Grandet, il y a eu 4DX. Il y a eu 4DX. Il y a eu quelques séances. T'as fait la filmo de tous les acteurs et actrices français? Non, j'ai fait la filmo des trucs qui sont sortis en 4DX. En fait, c'est une technologie assez récente, le 4DX. Il y a eu très peu de films français en 4DX. Non, il y en a eu en 5G. Ouais. Mais en 4DX, on n'a pas eu tant que ça. Et Jack Mimoun en fait partie. Et Taxi 5 aussi, et voilà les deux Sonic, mais c'est vrai que c'est un truc plutôt dans les films américains. Je pense que c'est le bon moment pour avouer que je ne sais pas ce que c'est. La 4DX. Alors la 4DX, c'est un truc, ça, ça bouge et ça fait des c'est ça. Machins. Ok, d'accord. C'est, ça. C'est exactement ça. Les sièges bougent et t'envoient des choses un peu en même temps que tu regardes ton film. Et c'est vrai que sur. Avec l'air dans la gueule et tout. Tu peux l'avoir aussi. Ouais. Tu peux. Je crois que tu peux désactiver ça. Pas. Ça ouais. Tu peux désactiver. Ouais. Tu peux désactiver. Tu peux ne pas y aller aussi au film. Ouais, ouais, ouais. Mais je suis hyper fier, moi, de connaître quelqu'un qui a le maximum de... max de la tech. Ouais. T'es dans le futur, en fait. Un peu. Je suis dans... c'est mon côté américain, justement. Je cherche un agent américain, 06 73. Mais c'est comment ça marche, d'ailleurs, la 4DX, juste pour savoir, d'ailleurs. C'est, oh, c'est essentiellement de l'électricité. Beaucoup. Non, mais c'est... non, mais c'est... Oui, t'es assis sur un siège. Et, non, mais comment, pardon, comment ça a été amené à toi? Comment on te le propose? Comment... En fait, ça se fait... En fait, les gens regardent le film, il a rien, il a rien. Il y a absolument rien. De la panique dans son regard pur. De la pure panique. Non, c'est essentiellement, c'est une technique qui vient du Nebraska. C'est très rare et on doit se rendre là-bas. On est dans le Nebraska, la ville du Nebraska, ouais. Qui est le lieu dit. Nebraska City. Du boulanger du pain perdu. Voilà, exactement. Ouais. Et tu vas là-bas et on te moule en fait. Oui, pour l'acoustique. Pour l'acoustique, t'as un moulage de ton corps. Ça prend, tu restes là-bas. C'est beaucoup de boulot. Est-ce que t'aimes être moulé? Ah, j'adore. Ah, mais j'adore être moulé. Moi, quand je vais dans le Nebraska pour me faire mouler pour la 4DX. Qui est à être moulé? Est-ce que vous aimeriez être au musée Grévin? C'est une question que je passe tout le temps aux gens connus. Ça me fait marrer. Ah, mais tu sais que c'est un de mes kiffs, ça. Mais toi, c'est un. T'aimerais pardon, ça? Pardon, mais c'était petit kiff. T'aimerais de provincial, ça? Ouais, ça aussi. Yes! Genre, t'es un dans le musée Grévin. Il y a un cutéreux, là. Non, être, un truc de cutéreux, un truc de. Non, mais il y a. Tiens. Je vais me floodcaster. Oh non! Alors, au futuroscope. Tu, Jérôme se floodcast. Le floodcast de Jérôme. Jusqu'à 22h. Il y a un endroit. Il y a, bon, ça, c'est très difficile. La France miniature. Il y a un endroit au musée Grévin. Ouais. Il y a un endroit dans le musée Grévin que je voudrais absolument découvrir. Non. Mais c'est et vous aussi, je pense. Le Glory Hall? Du musée Grévin. Qui est situé dans Donald Trump. Dans son genou. Donc il y a un endroit. Ah, c'est pas le sous-sol là? Non, ça rien, c'est pas ça? Quel sous-sol? Ah, y a petit... le salon des miroirs. Non, je sais pas, j'invente des trucs. Il y a eu un petit regard genre. Oh, l'endroit où ils font les poupées? Non. L'endroit où il y a toutes les statues qui sont plus exposées? Exactement. Ils appellent ça le cimetière. Oh, et c'est tous les gens qui n'y sont plus parce qu'ils ont eu une énorme notoriété sur 2-3 ans, mais aujourd'hui ils n'ont plus d'intérêt. Et il y a qui par exemple? Waouh. Bah, je pense qu'il a l'air beaucoup de sportifs parce que c'est des notoriétés liées à un événement. Je crois qu'il y a Michael Youn en plus qu'à poil. Il l'avait mis son affiche, squelette là. Où il avait sa bite en squelette. Je sais pas si vous vous souvenez de cette affiche. Et à un moment, je me souviens, j'avais trouvé ça génial à l'époque. Et je crois qu'elle n'y est plus. Je crois qu'elle n'y est plus. Et je pense que. Enfin, j'avais même entendu dire dans un reportage qu'il ne communique pas beaucoup dessus parce que c'est pas très flatteur pour les gens qui sont concernés. Et j'adorerais, moi. Mais il va pas leur rendre. Attention, parce que. Il leur propose pas. Main longue, hein. Il est très très possible que quelqu'un qui bosse au musée Grévin écoute. Mais ouais, s'il y a des gens nous, qui bossent, à chaque fois qu'on parle d'un parc ou d'un truc comme ça, les gens nous écrivent pour dire oh bah j'y travaille justement. Donc t'es pas à l'abri de. Jérôme Commander aimerait voir le cimetière du musée Grévin. Il fera pas de photos, il fera pas de story, juste pour le kiff. Il veut voir le bonhomme en cire de Georges Alain de la Starac. Il veut y aller, il veut le voir. Mais vous savez qui décide d'ailleurs? Mais je crois qu'il y a un espèce de ouais, de Fontenay. Je crois qu'il y a Stéphane Bern, j'ai vu. C'est Stéphane Bern, oui. Daniela Lombroso, il me semble. Attends, non, mais c'est un comité. C'est un comité. C'est ça, ouais, je crois que c'est ça. C'est ça qu'elle fait, donc, du coup. Ouais. J'ai tapé musique des mains. Mais tu peux faire des candidatures spontanées ou ils ont déjà des. Bah non, c'est eux qui se réunissent et ils décident. Flo va nous donner. C'est évident, enfin. Les noms. S'il y a quelqu'un un peu emblématique dans l'actu, bah il finit. Quoi. Mais moi je me demande s'ils enlèvent des gens qui ont un peu un bad buzz et tout quoi. Ah je pense. Oui. Ah ouais, ah, ouais oui, je pense. Oui. Ah ouais, ouais bien sûr. Tu penses à qui toi? Je l'ai dit tout à l'heure. Non, il y a l'Académie Grévin apparemment qui se réunit et effectivement je n'ai pas la liste des noms. Pour je vais trouver. Effectivement, t'as raison. Il y a Stéphane Bern. Ah voilà. Stéphane Bern. Bah là je ne vois que lui hein, malheureusement. Peut-être c'est que lui. Oui. Stéphane Bern, ouais, c'est le patron de. Ouais. C'est le patron. C'est fou, il est vous voulez qu'on l'appelle bon... Il est dans tous les bons il connaît toutes les vedettes, le mec. Ce mec. Il va appeler tout le monde, tu sais. Il connaît toutes les stars du musée Grévin. Je l'appelle. Je regarde, tac, tac, tac. Tu lui demandes comment serait... on fait pour entrer alors à Grévin. Ouais, non. Ouais, je l'appelle. Là, je vois Nikos. Il est à deux doigts. Il est à deux doigts je crois qu'il y a Nikos, hein. Bah attends, je l'appelle. Nikos. J'appelle Stéphane Bern. Il a vraiment marqué Stéphane Bern. Quel intérêt. Je sais pas, je lui demande si tu peux visiter le cimetière. Non, mais il répond pas, il est encore en deuil. Ah oui. Ah, allô? Allô Stéphane? Non, c'est son assistante. Ah, c'est son assistante. Bonsoir. Ah, il est en direct. Ah, c'est Malik Bentala, je voulais lui faire un bisou, je voulais lui présenter mes condoléances pour Elisabeth déjà. Et surtout, on était en émission et on aime beaucoup Stéphane, on voulait lui faire un coucou, on est en promo. Et on parlait du musée Grévin, on voulait lui faire un coucou, on est à la radio, et voilà. Oh, mince. Ah merde. Mince, non mais c'est vraiment on est déçus. On voulait lui faire un coucou. Tant pis. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec en tout. Bah vous merci. L'embrassez bien fort. J'embrasserai. Allez, il y a Jean Dujardin, Gilles Lelouch et Malik Bentala. On était tous les trois, on voulait lui faire un bisou. Bisous. Merci. Au revoir. Voilà. Bon bah écoute, on n'aura pas la réponse, on est un peu deg. Dommage. On aurait dû dire quand t'étais avec Jérôme Commandeur surtout et qu'il avait voulu appeler Jérôme. Je pense qu'il aurait adoré. On non, voulait non, mais lui présenter nos condoléances. Mais j'ai vraiment cru que j'allais craquer à ce moment-là. Pour quelle raison tu as dit ça? J'ai une dernière question. Il est vraiment parti, Adrien. Ah, il était épuisé. Ah, d'accord, épuisé, ok. Ouais. Ouais, dans le même malaise, ça lui ramène des traumas. Ah, ouais. Tu vois, les gens qui appellent au téléphone, ça ah, lui ramène. Ah, il n'aime pas du tout. Apprendre ouais. à laisser le banquier, ouais. le chacal, tout ça, ça lui met dans un état. Vous pouvez le pas regarder. Chacal. Le chacal. Le chacal. Ouais, il l'appelait. Ouais. Oui, bien entre sûr. Entre un coton-tige et 200 000 euros, alors t'es embêté, t'as envie de prendre l'argent, mais tu dis putain, mais la passion ou la raison. Il faisait un truc qui m'énervait, Arthur. Tu sais, couché avec des gens du showbiz qui le connaissent très bien. Évidemment. On l'appelle ou pas l'appeler si vous voulez. Il y a eu un an, mais de. Ah, laissez-moi. Jérôme, il est blanc. Laissez-moi. Il est blanc. Non, il faisait un truc qu'il avait, il disait c'est quoi votre stratégie? J'appelle Arthur. Allez, on j'appelle Arthur. Parce qu'il disait c'est quoi votre stratégie? Et en fait, je comprenais pas pourquoi il disait ça aux gens alors que c'était un jeu pur de hasard. Tu sais, il avait dit ah, bah, mais c'est quoi en fait votre stratégie? Bah, ma stratégie, je voulais ouvrir la 8 et. Vous enlevez toutes les grosses boîtes. Mais c'est un hasard pur, Arthur. Je fais ce que je peux, laissez-moi tranquille. Et il paraît que le gars qui fait le banquier, en fait, il est connu. C'est un non, scénariste. Mais non, sans déconner. Je me demande si c'est pas un des scénaristes. Putain. Jean-François mais... Alain. Non, c'est pas mais Jean-François non. Alain. Ah, je le gars qui fait ça. Le banquier, il fait le banquier pour qui? Ne regarde pas, je sais pas de quoi vous parlez, Jérôme. J'étais en train de faire pipi, j'essaye de raccrocher dans, les wagons, mais je sais pas du tout de quoi on parle. Dans apprendre ou à laisser, ouais. J'ai jamais vu le ça mec qui faisait le banquier. Oh, je demanderai. Sans demanderai. Déconner. Je sais que le père Fouras, oui, c'est Christian banquier. Bale. Ouais. Mais est-ce que vous savez ce qu'il fait aussi d'autre, le père Fouras, dans la vie? Ah oui, il fait une voix. Alors il fait une voix, mais il a un autre métier. Oui, moi il je a sais. Un autre métier qui n'a rien à voir avec il est videur dans une boîte à La Rochelle. Moi je l'ai et si on parle de ça, je l'ai vu puisqu'il fut un temps j'ai fait l'émission et voilà, bon peu importe. T'as fait Fort Boyard. Oui, oui, peu importe. On retrouve les images comme le kangourou tout à l'heure en train de parler. Non, parce qu'on a une histoire sur Fort Boyard, tous les gens qui viennent parler de Fort Boyard. Bon, ils sont pas au top. Je l'ai fait aussi, c'est la pire émission de ma vie. Hein. J'ai fait Fort Boyard aussi. Hein. Ouais, c'est le pire souvenir de ma life. Le producteur m'a menacé de m'enfermer, vraiment. Dans le fort. Oui, bah, c'était le Fouras. Mais pourquoi? Ah, ouais. Ah non, mais parce que j'étais en refus d'obstacle. Ah oui, t'as pas voulu ah faire ouais. les trucs. Ah non, mais j'avais dit, je suis phobique de ça, j'aime pas oui, ça. Oui, bah voilà, et ils te mettent précisément les trucs. Ouais, Audrey Pirot nous en a parlé aussi. Ouais, c'est terrible. Apparemment, il y a un formulaire où ils disent qu'est-ce que vous voulez surtout pas faire parce que ça vous fait peur. et du coup les gens remplissent premier degré genre sincèrement et après ils les mettent justement face à des trucs qui leur fait peur. Et toi t'avais mis quoi, Malik? J'ai mis les souris, le vertige. Cela dit, t'as mis tout, un vieux, la gravité, je suis allergique à la gravité, le Schweppes, les nains. Les nains, non, ça va, je crois. Moi je l'ai vu faire quelque chose de tout simple, mais sauf qu'il était une rondade hyper gracieux. Tu parles de qui, de Malik? Non, du Perforas. Non, du Perforas, ouais. Ah ouais. Ok. Ah, c'est ça, un truc ah ouais, un danseur, le il est danseur. Il est danseur. Non, oh, sérieux, il est danseur. Alors moi, bah, c'est pas ça que j'avais dit. Arrête, toi. C'est il est danseur. Alors, attendez, et ce qui est très drôle, c'est que je l'ai vu faire des entrechats en Perforas. Et évidemment super agile et voilà, donc c'est très très drôle. Je me suis dit, putain, j'aurais dû filmer parce que ah ouais, c'est l'équipe des entrechats en Benjamin mille pieds. Très bon titre aussi, entrechats en Perforas. Mais en fait, c'est ça, c'est il peut faire toutes les épreuves de Fort Boyard, il est capable de les faire. C'est pour ça que c'est les siennes, quoi. Il a pas changé, le mec, ils ont pas changé. Je crois pas, non. Ah ouais, ils ont jamais changé avec la petite sirène, je crois. Mais pareil, ça fait un bad buzz. Non, mais j'ai l'impression qu'ils avaient changé le comédien parce que le mec demandait de la. Et toi, t'avais un autre métier. J'ai un autre truc, il a un autre métier toujours. Producteur. Mais qui n'a rien à voir avec un truc artistique. Si, si. Il a un barbershop. Producteur de télé. Il a une boutique de CBD. Non, à Niort. Non, il a un truc dans le milieu de l'aventure un peu, donc tout se recoupe. Jack Lemmon, le 12 octobre au cinéma. Ah oui, il a ouais, une. Aiguiseur de couteau. Une agence de voyage. Pas une agence de voyage. Non, dans le milieu de la télévision. Ah, il fait des épreuves. C'est pas lui qui fait les épreuves pour Koh-Lanta Il est un des créateurs des épreuves de Koh-Lanta. Ah, wow. Oui, parce que c'est la même boîte. C'est la même boîte. Ouais, Adventure Prod. Hein, bien sûr. Wow. Oui, bravo. Et danseur, mais il est incroyable. Et il a créé. Incroyable, il a créé. Parce qu'on a un quel est son du vrai flambeau nom d'ailleurs. Oui. Il a créé l'épreuve des poteaux. Ah ouais. Non, sans déconner. L'épreuve des poteaux a été créée par le Perforas. Sans déconner. Incroyable. Ouais, ouais. Ah ouais. Bah, vous dormirez moins. Ouais. C'est ouais, ça. À l'âge qu'il a en plus, c'est fou. C'est fou. Le mec, il est encore hyper incroyable. Actif. Quoi. C'est pour ça le truc des retraites de Macron. Il fait oui. Oh, je veux revenir. Je veux revenir. Oh alors. Le matin, je suis sur quatre pattes. Non, c'est pas le moment. Ça n'a rien à voir. Les clés. Une dernière question pour vous tous. On parle de trésor, Jack Mimoun. Dans Jack Mimoun, les aventuriers partent chercher le trésor de la Buse, et qui est un vrai trésor, on l'a dit tout à l'heure, oui. Un vrai trésor du vrai pirate qui est Olivier Le Bassor, qui l'a planqué au XVIIIe siècle. C'est important de s'inspirer de quelque chose de réel, Malik, ou pas? Ah oui, ah bah oui, oui, oui. Oui, parlez-nous de vous. On embrasse qui? On embrasse tous ceux qui nous écoutent. Ah oui. Ah, j'ai pas salué mon équipe. Ah, quel bonheur. Ah oui, ouais, oui. On peut faire 20 minutes d'imitation. Ah ouais, moi j'adore. Je vous ai pas, il nous a régalé à Angoulême. Avec une Lynn Renault Calcetta. Attendez, Lynn vient d'arriver. Bonjour Lynn. J'ai le chétane. Allez voir une belle course avec Danny. C'est votre ami Danny Boone, vous l'adorez. Oh, c'est mon fils. Et ma chaud. Oui, donc c'est important. Vrai, c'est important ou pas? Bon, sans parler, bon, on est entre nous, on peut se tutoyer. On se tutoie, on se tutoie Malik, quand on écrivait. T'as fait tellement de films en 4DX. Bah, hein. Attends. je suis avec toi. Merci beaucoup. Bah, quand on écrivait, c'est vrai qu'on avait envie de se raccrocher à un fait historique avéré, rapport à l'Arche d'Alliance notamment. C'est ça. Et Benjamin Gates, tout ça, ils avaient des histoires qui étaient réelles. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui, la poule aux deux anus. Ah oui, c'est ça. Oui, je lis sur ma fiche, c'est la poule aux deux anus. On vous attribue le point. Oh purée. Mais vous avez tous les deux pris le train du floodcast très bien. C'est-à-dire que Malik, enfin tous les trois, Malik a eu les anecdotes. Oui, tu t'es bien attrapé. Ouais, non. T'as exclu Malik. Non, Malik, Malik aussi. Hein. Malik avait. Pardon, ouais, y a le deux qui arrive. Ouais. Ta gueule. Pardon, Malik, mais, Malik avait un croissant empoisonné par la CIA. Moi, j'en ai. J'ai pas eu ça souvent quand même. Malik a les anecdotes. Joséphine a la piste, tout ça. Et Jérôme a les imitations. Ouais. Un véritable cocktail floodcast. Ouais, ouais, ouais. On est au paradis. Oh là là. Le podcast le plus cool de France. Ah oui. Donc oui, on voulait. Mais de toute façon, tout ça, ce sera à voir au cinéma. Tout à fait. Le 12 octobre. Ah oui, le 12. Le 12 octobre. Le 12 octobre. Dites le fait de publier. Profitez des questions. Les gens viennent à question pour un champion pour faire leur publicité. Excuse-moi, Julien, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Ah. Alors je regarde ma fiche. Alors là, alors ça c'est un beau cadeau. Ça c'est un beau cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ah. Ça c'est un beau cadeau. C'est l'encyclopédie des métiers des pieds et de la bouche. Alors il y a peintre, bien sûr, peintre des pieds et de la bouche, et après il y aura plein d'autres métiers. Je l'ai feuilleté, c'est magnifique. Ah, y a... Alors ça, c'est des roms aussi. Il y a un CD-ROM. Ah oui, sur le Bitcoin, sur toute l'histoire du Bitcoin, ça c'est passionnant. Ah. Et alors, est-ce que vous revenez? Est-ce que vous partez, vous revenez? J'ai envie de partir. Non. Sur ma fiche, il y a écrit vous. Ah, revenez, je revenais. Il revient, il reste. On se retrouve demain. À demain. Merci Julien. J'avais une dernière question pour vous tous. Quel est du coup votre petit trésor à vous? C'est mignon. Est-ce qu'il y a un truc que vous gardez, un objet qui compte pour vous, un artefact? Ah non, j'ai un truc qui va vous parler, Adrien aussi, je pense. Mais je me suis acheté une réplique, non, une vraie réplique qui a servi pendant le tournage de Jumanji. Ah, j'ai trouvé le jeu de Jumanji. D'accord. Un des vrais jeux qui a servi pour le tournage. C'est un faux, parce que Flo il en a un, mais c'est vraiment une réplique. Et je sais pas où il est, je l'ai caché. Vraiment, j'ai jamais retrouvé. Je l'ai tellement caché. J'ai vraiment peur. J'ai peur de l'abîmer et tout. Donc, très stylé. Trop stylé. Bel artefact. Toi, Jérôme. Oui, bel artefact. Et vous, Julien? Un dictionnaire, peut-être. Merci que vous m'avez dit la rousse. Moi, c'est la broche d'une candidate de 2004. Elle s'appelle Marie-France Mignon. Et elle m'a laissé une broche que j'ai laissée dans ma loge. Une broche. Et qu'est-ce que vous pensez de Delphine Arnaud? J'entends plus. Fini. Elle vous a même pas laissé le temps de saluer vos équipes. J'ai même pas salué mon équipe. Ça l'a rendu fou. Non, j'ai une cravate caca de pigeon. J'ai l'impression qu'il y a un pigeon qui s'est vidé sur ma cravate et j'y tiens beaucoup. Une cravate caca de pigeon. Toi, Joséphine, il y a quelque chose que tu gardes? Franchement, je sais pas quoi. T'es encore sur la cravate caca de pigeon. Je fais rester bloquée. C'est cravate qui vous fait rire. J'ai trop en tête de cul de poulet. Oui, il y a eu beaucoup de choses. C'est une cravate caca de pigeon. Je sais plus où elle est. On t'a secoué, ma joie. Je repars. C'est con, j'avais. Je repars enrichi, je repars. J'avais noté un truc un peu mignon, mais c'est vrai qu'après la cravate à pigeon, c'est compliqué d'enchaîner. Vas-y. Toi, tu as un artefact. Toi, j'ai vu que tu avais gardé un autographe qui avait compté pour toi. Oui, tout à fait. Du marchand. Oui, ça sert. Non, mais ça, c'est vrai. C'est un de mes artefacts les plus précieux. C'est un autographe de Jean-Pierre Marielle. Oh, c'est génial. Ah, c'est beau. Tu vois, Patrick, après. Patrick est là? Non, c'était Jean-Pierre Marielle. Je crois que c'était Patrick Sébastien, mais on refait un petit Jean-Pierre Marielle. Non, je le fais. Adrien. Allez, Adrien. Arrêtez, je vais pas. Non, mais je vais. Ça, c'est le téléphone, ça le rend fou. Oh, mais non, c'est que de l'amour à la merde. C'est que de l'amour. Allez. Patrick, fais-nous Patrick. Patrick. Non, allez, on a Patrick avec nous. Salut Patrick. Non, ça fait chier, putain. Parce que les mecs ils m'imitent et puis après je suis gêné. Non, mais j'adore ta guitare autour du cou là. Ouais, c'est pas une guitare. C'est quoi? Devine. Un indice à deux couilles. Bof, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. Moi je suis fier. Bof, c'est pas un gros mot. Bof. Moi j'aime les artistes. Bah ouais, c'est ça. Pardon, donc, Jean-Pierre Marielle. Ouais. Donc, oui, que tu lui as demandé personnellement. J'essaie de raccrocher vaguement. Jérôme, il est fini. C'était. Parce que t'as tourné dans ton premier film. Oui, j'ai tourné mon premier film avec lui, j'avais 10 ans. Et donc, je suis allée lui demander un autographe. Et il m'a signé cet autographe où il y a marqué pour Joséphine en attendant que ce soit elle qui me signe un autographe. Oh, voilà. Trop mignon. Et donc, c'est évidemment un des trucs les plus précieux que j'ai chez moi. J'imagine. Moi, moins mignon, j'avais un autographe de Véronique Genest. Je l'ai jeté depuis. Que tu as demandé dans quelle circonstance? Alors, la semaine dernière. Je rentrais du collège. Je tentais du métro, je me sentais un peu tendu. J'ai fait, faut que je lui demande un autographe. La pub Madrange, j'adore. Non, je rentrais du collège à l'époque. Et sur le chemin, un tournage de Julie Lescaut, quoi. Et vraiment, moi, une star, je lui ai demandé un autographe. Ouais. Bon, après, petit positionnement extrême droite ont fait que je me suis débarrassé de l'autographe bien avant en vérité, mais voilà. Moi, j'ai une photo très gênante avec Alain Chabat où, pareil, j'étais jeune. J'ai cru que c'est avec Zemmour. Non, très gênante avec Zemmour. Non, ça, c'est pas dis, qu'est-ce qu'il y a de gênant? Je mets les cibles en l'air, je dis top ce mec. Non, c'est avec Chabat, mais en fait, du coup, c'est trop cool. Tu dis putain, Chabat, c'est une idole. Bah, c'était un des gars qu'on citait beaucoup sur Jack Lemmon, sur le côté grand spectacle, comédie, enfin bref. Je m'étonne. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai 16 ans, je suis collé à lui. Mais vraiment tactile quoi, donc j'ai le bras comme ça sur lui. Ah oui, en patron de pizzeria. Et en fait, j'ai la tête un peu penchée contre la sienne, comme si on était. Tu fais un couple. Câlin. Je fais un câlin. Mais c'est ton père, quoi. C'est... Oui. Ah ouais. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un peu un truc freudien, clairement. Mais c'était un moment incroyable parce que c'était ma. J'étais monté à Paris avec des amis pour voir un concert. Bon, bref. Et j'étais allé tout seul à une émission de Laurent Baffy qui s'appelait, je sais pas, c'est quoi ce bordel ou un truc comme ça. Et il y avait. Oui, moi j'y crois. J'achète. La boîte à cul. Enfin, j'en sais rien. Et dedans, il y avait Shabba qui était invité. Et Shabba, ils ont fait un Burger Quiz. Et à l'époque, parce que maintenant c'est revenu Burger Quiz, mais à l'époque c'était fou. Et Shabba a joué avec moi au Burger Quiz. Ah, qui est quand même un des trucs les plus stylés incroyable. De ma vie. Et Baffy ne m'a jamais envoyé les cadeaux. Baffy m'a jamais envoyé les cadeaux. Donc on l'appelle, on peut l'appeler. J'en profite pour cancel Baffy dans cette émission. Voilà, c'était important pour moi. Bon, chers amis, c'est la fin. Attends, Jérôme, tu t'en vends de son cadeau? Pardon, il y a un Julien Lepers. Non, pareil, des... Non, c'était un carnet d'autographes que j'avais gamin. Ah. Et bon, ça va être un peu long, mais. Oh non, vas-y. Non. On a le temps, il n'y a pas de. Non, mais ma mère a une espèce de manie un peu comme ça, monomaniaque. Elle jette tout, elle jette des télécommandes, par exemple. Alors que les objets fonctionnent encore. Ils sont dans la main. Ouais, voilà. Et donc, j'étais convaincu qu'elle l'avait jeté. Et pendant des années et des années, je l'ai poursuivi de ma colère. Et j'ai retrouvé le petit carnet d'autographe qu'elle n'avait jamais jeté dans un déménagement l'année dernière. Et donc maintenant, il est sur mon bureau. Génial. Voilà, donc. Et est-ce que tu as des noms de gens avec qui tu as bossé derrière? Tiens, c'est drôle, t'en parlais, les nuls. Ah, ok. Ouais, j'étais allé les voir à Canal+. Les trois à l'époque Les trois. Ouais, incroyable. Ouais. Très stylé. Voilà. C'est beau, ça. C'est beau, hein. C'est 3 ou les 4? Bah non, c'est 3 à l'époque. Ils étaient 80. Ouais, les nuls, l'émission, c'était 3. Eh oui, moi j'étais trop jeune. Ouais, bah, c'est ça. Plutôt les nuls ou les inconnus? Moi, les nuls. Les nuls, ouais. Mais cela dit, moi plus les Robin des Bois, si je suis honnête. Ah. Parce que les nuls et les inconnus, moi c'était déjà les redifs, les, tu vois. Ah oui, j'ai pas connu, moi les nuls et les inconnus, c'était déjà un peu fini, quoi. T'as pas connu, t'as pas connu. Non, j'ai connu les redifs. Je sais pas, je pourrais pas choisir. Je pourrais pas choisir. C'est comme choisir entre ton père et ta mère. Entre son père et ta mère. Non, je crois plus les deux. Après, les trois frères, c'est quand même incroyable. Oh là là là là, les trois frères, voilà. Même le Paris. Ouais, le Paris, c'est très. Les rois mages. Ouais, moi. Ah, j'ai une anecdote sur les rois mages. Ah. Et ben, j'apparais dans le film Les Rois Mages. Non, mais non, wow. Je suis en figu. Sans déconner. Je suis en figu. Oh, à la scène du Pizza Pilo des Champs-Élysées. Oui, très bien. Waouh. Je suis figu. Incroyable. On voit pas et dans on le te film. Voit ou pas? Non, on voit pas du tout. On te voit pas. On voit pas. T'es mais sûr je... Attends, on te voit pas. Non, on me voit pas. Voit. Mais non, parce que c'était juste des. Je comprends rien. Non, je suis dedans. Je suis dans le film. Je suis dedans, mais on voit pas. C'est pas très clair. J'étais chez moi à ce moment-là. Ah bah dans ces cas-là, je suis figu dans Avatar aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On me voit. On voit pas. Nouveau film en 4DX, putain, mais incroyable. Non, mais je faisais partie de la figuration, mais on me voit pas dans le film. J'avais tu tout petit. On te distingue pas. Mais non, pas du tout. Que... Oui, mais j'étais sur le plateau et c'est quand même incroyable de voir les inconnus. Comme, en quand t'es mage. Astronaute et que tu regardes la Terre et que tu dis je vois tous les êtres humains qui ont existé à ce moment-là. J'étais déjà Thomas Pesquet. Ouais. Ah, c'est décevant. C'est bientôt la fin de l'émission. On va faire un dernier tour de table très rapide sur vos recommandations culturelles, des trucs que vous avez aimés et que vous avez consommés récemment. Films, séries, ça peut être musique. C'est pas forcément un truc récent, ça va être juste un truc que vous avez aimé dernièrement. Moi, par exemple, c'est le film Serpico, donc tu vois, c'est vraiment pas très récent, mais je l'ai découvert. On peut dire deux choses. Moi, la dernière fois, c'est la roue. J'ai découvert la roue. Et c'est très et le beurre, c'est bon, hein. C'est bon, le beurre. T'en mets sur les tartines et tout. C'est dingue. Le régal. Non, mais parce que j'avais jamais vu ce film. J'adore Al Pacino et j'ai découvert Serpico. Et franchement, ça a pas vieilli. C'est vachement bien. Donc, je vous invite donc, à regarder. Comme quoi, vous pouvez vraiment dire des trucs pareils. Voilà, c'est ça. C'est pour vous décomplexer là-dessus. Malik, oui, tu peux dire deux trucs. Ouais, non, le premier truc, c'est une série que j'ai découvert il y a pas très longtemps qui s'appelle Mike, qui est la série biographique de Mike Tyson sur Hulu. Mais bon, c'est Disney Plus en France. Donc, Hulu. Alors, Mike Tyson. On en parlait tout à l'heure. Ouais, Mike Tyson n'a pas validé cette série parce qu'ils sont pas passés par lui, donc bon voilà, mais il a pas pris de blaze, il a pas mais elle est fantastique. Et un livre dont je parle à tout le monde, L'amour c'est surcoté de Mourad Winter, qui est vraiment très très drôle. J'ai rarement tapé des barres de rire en lisant, donc à part Où est Charlie, je me rappelle à l'époque j'étais mort de rire. T'as dit putain, mais il est derrière le château, c'est incroyable. Non, on croit que c'est lui en fait, c'est un sosie. Il a pas de lunettes, c'est pas lui, putain. Donc L'amour c'est surcoté et Mike sur Disney Plus, voilà, vachement bien. Voilà, Adrien. Alors moi j'ai regardé parce que j'ai vu beaucoup de stories qui parlaient de la série Miskina. Ouais. Et du coup je me suis dit bah tiens, je vais regarder un épisode pour voir. Et j'ai regardé toute la saison hier soir. Okay. Et je trouvais ça très chouette. Avec Mel Habedia, Jim Jimmy Lee. Xavier Lacaille. et tout ça. Et voilà, chouette, j'ai passé un bon moment, c'était cool. Et sur Prime Video. Sur Prime Video, et j'espère qu'il y aura une saison 2. Et j'ai regardé. Et on va essayer de les avoir dans Floodcast aussi. Oui, ça, voilà. On en a discuté, et normalement ça devrait se faire. Absolument. Il y a eu un petit. En fait, c'est aussi. J'en profite. On est chez nous. En fait, c'est. Là, on a fait la rentrée un peu tard cette année parce qu'il y avait la tournée du Floodcast et tout. Bien donc, sûr, le musical. Voilà, le musical qui est devenu notre nouvelle maison. Et donc, du coup, on devait le faire pour la promo de Miskina. Mais du coup, la Miskina est déjà sortie. Mais normalement, on devrait quand même réussir à ce qu'il y ait une émission avec eux. Bien sûr, pour Miskina 2. Miskina 2. Et dans un autre genre complètement, un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Most Hated Man on the Internet. Qui parle d'un. En fait, ça parle de revenge porn. C'était un. Ok, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et donc, c'est un mec qui avait créé un site qui s'appelait Is Anyone Up. Et en gros, le principe, c'était de poster des photos de. Majoritairement de femmes, sans leur consentement, des photos dénudées, etc. Mais en postant leur identité, leur page Facebook, enfin vraiment, donc vraiment le, juste le but de nuire, de ruiner la vie des gens. Et c'était un mec. Oui, c'est un mec de ça, la nuit revenge, et tout. Ouais. Voilà, mais le mec se. Était vraiment se complaisait à ruiner la vie des gens et adorait ça, etc. Et donc là, c'est un documentaire en deux ou trois parties, je sais plus. Ça raconte comment ce mec a fini par tomber, quoi. Comment les gens et allez, se sont alliés pour faire tomber, faire fermer le site, etc. Et donc, Ah, j'avais. C'est sur Netflix ? C'est sur Netflix. Il y avait le Don't Fuck With Cats qui était vachement bien dans le même délire. C'est un peu, c'est un peu le même genre, c'est moins long, c'est trois épisodes, je crois. Okay. Don't Fuck With Cats, moi, on m'avait. Et je ne le ferai d'ailleurs pas, on m'avait pas spoilé. Et donc, pareil, du coup, j'avais adoré ce qui s'était passé. Il y avait Narcos, la série sur Pablo Escobar. Et Lost, hein. Lost. Et puis Friends, quoi. Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou pas ? Rachel, on est là, on est. On lance pas Joséphine. Friends. Ah non, mais je connais tout par cœur. Grande fan de Friends ? Ultra fan de Friends. Ah ouais ? Comment il s'appelle le frère de Monica ? Oh, un battle de Friends ! Ah ouais ! Ah, très bien, Ross. C'est Ross. Si tu mets la chaîne NT1, c'est en boucle. Voilà, si tu mets à peu près n'importe quoi dans la journée, il y a Friends. N'hésite pas. Mais tu as à peu près décrit mon planning quand je suis chez moi et que je n'ai rien à faire. Je fais un petit truc là, j'y pensais. Ouais. C'est fou le nombre d'enquêtes criminelles ou les enquêtes ou les flics là. Ah oui, oui. W9, NT1. Bien sûr, c'est 8. C'est 8. Calmos. C'est 17. Non, mais le soir, il y en a 6. Enfin, je veux dire, sur toutes les chaînes quoi. Et moi, j'ai un truc vraiment de vieillard aussi, c'est les film commence trop tard maintenant. Enfin vraiment, oui, j'ai 200 ans, je suis là genre il est 21h30, c'est encore quotidien, ça va là. Je vais mettre un truc à la télé. Donc vous regardez la télé. Non mais des fois, tu vois, il y a des trucs à la télé. Parce que moi vraiment, ça fait des années que j'ai pas regardé la télé. C'est vrai ? Et bah t'es cool. Non. C'est justement pour me coucher tôt. C'est vrai. Jérôme, quelque chose que tu as apprécié récemment ? Oui, alors dans un genre un petit peu plus raide quand même, Dahmer, la dernière série de. Oui, trop bien. Bien sûr. Voilà, donc ce série comédie. Petite comédie marrante. Oui, alors plus sur la vanne. Ouais, faut aimer la vanne. Faut aimer la vanne. C'est la vanne. C'est la vanne pour la vanne. C'est un serial killer des années 70-80 qui. Ton prénom est l'air d'ailleurs. Allez, on peut finir là-dessus. Elle est bien. On peut finir là-dessus. Et donc, il découpait chez lui des homos, souvent blagues d'ailleurs. Et ça montre toute l'époque parce qu'il y avait une voisine à côté qui. Évidemment, suspectait tout et les flics faisaient rien. Et donc, ça retrace toute l'histoire de ce mec avec le positionnement des flics par rapport au début du sida, au fait que ça touche la communauté noire et tout. Et c'est à la fois haletant et passionnant sur cette époque-là aux États-Unis. Ce qui paraît, c'est super. Et avec l'acteur qui le fait, c'est Evan Peters et il est vraiment très très fort. Il est bluffant. Mais attendez, j'ai vu en plus une anecdote, il y a les vraies lunettes de vue, je crois, de ce. Oui. De ce serial killer. Florent les a achetés. C'est mon petit trésor. Qui ont été vendus là, je crois, il y a un prix exorbitant, je crois. Bah ouais. L'enfer. Et donc, oui, c'est sur Netflix. Sur Netflix. Et toi, Joséphine ? Donc, Friends déjà. Si les gens n'ont pas vu, c'est obligatoire. Non, il y a une BD que j'ai. C'est pas si récent, mais je l'ai découvert, qui s'appelle Meadowlark de Ethan Hawke. Ethan Hawke, l'acteur. Tout à fait. Qui a sorti, je crois, déjà deux ou trois BD, c'est sa dernière qui est sortie, et qui est absolument géniale, qui parle d'un récit initiatique un peu entre un fils et son père, qui se retrouvent embarqués tous les deux dans une histoire où les démons du passé du père reviennent, et c'est génial, les dessins sont fous. Comment ça s'appelle ? Très bon. Meadowlark, c'est vraiment super. Meadowlark. Comment tu l'écris ? M-E-A-D-O-W. Lark. L-A-R-K. Okay. Qui dessine? Parce que c'est pas lui qui dessine. C'est Greg Root. Okay. Oui, mais c'est lui qui écrit. Greg, et du coup, c'est vraiment Greg écrit Root. Comme un. Oui. C'est Greg Root. Voilà, c'est vraiment écrit comme un scénar. Il y a un truc hyper cinématographique dans. Donc c'est génial. Et une série qui s'appelle Tokyo Vice. Oui. Qui est génial. Sur Mekalal. Ouais, qui est super. Sur, avec cet acteur, j'oublie son nom. Je vais regarder. Qu'on a vu dans le. Qui est dans le jazz, Christian Slater. Exactement. Ansel Elgort. Non, c'est pas le Top Gun. Ah oui, Top Gun, exactement. Et qui parle d'un jeune journaliste américain plongé à Tokyo et qui va faire un peu la passerelle entre les Yakuza et les flics. C'est l'acteur qui était dans Baby Driver. Oui, il y a une trentaine d'années. Voilà, Tokyo Vice. Et le premier épisode, je crois, est réalisé par Michael Mann. Oui, incroyable. Qu'il a vu. Oh, le Miami Vice. Oh, la honte. Mm-hmm. La honte la du honte. Mec. Et on vous conseille, bien sûr, Get Lucky des Daft Punk. Bien sûr. C'est quand même. Si vous aimez la funk et l'électro, c'est un parfait mélange. non, voilà. Pied, on tape du pied volontiers. Mais surtout, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 12. Le 12 octobre, Jack Mimoun au cinéma, comédie d'aventure. voilà, qui n'est pas une parodie. Je sais que c'est un truc que tu dis beaucoup en promo, mais c'est important de le dire parce que. C'est une déclaration d'amour. C'est ça. C'est, alors qu'il y a beaucoup de vannes, mais effectivement, l'idée c'était de rendre hommage à tous ces films-là. Tu l'as très bien dit, de Spielberg, mais même 90s, c'est vrai que moi, même La Momie ou des films comme ça, tu vois, c'est des films que j'ai adorés. Et surtout, c'est pour tout le monde, c'est très important. Il y a plein de petits gamins qui viennent voir les avant-premières. C'est ça. Et avec les parents. Et, c'est... et même les grands-parents, mes grands-parents sont venus à une avant-première, ils m'ont dit on attend que le film sorte pour venir le revoir, mes cousins aussi. C'est cool. Enfin, il y a vraiment un truc, c'est rare quand toute ta famille t'appelle en disant on veut revenir voir le film. Parce que souvent, bon, tes cousins, ils peuvent trouver leur compte, mais pas les grands-parents. C'est ça. Enfin, voilà. Et là, c'est vraiment le cas, quoi. Et vraiment aussi, ce qui est cool, bon, après, voilà, ça peut paraître pas humble, mais c'est quand même très plaisant. Les gens se marrent beaucoup aussi, quoi. Mine de rien, enfin, ça fait rire petits et grands. Non, mais vraiment, j'ai retrouvé des rires de One Man, c'était très marrant de voir ça. C'est ça. Et c'est marrant, même on pourrait avoir fait des projections un peu partout. Ça rigole quand même, des fois pas aux mêmes endroits et tout, donc ça, c'est assez plaisant. Moi, c'est la première fois que je sors un film au cinéma et c'est très agréable. Écoute, j'en profite aussi pour. Je suis désolé, Adrien, là pour le coup, tu vas être un peu exclu. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Mais c'est pas. Mais merci. Tu peux rappeler Stéphane Bern si jamais. J'ai son numéro. Mais merci Flo d'avoir fait partie de l'aventure. J'ai remercié mes acolytes, Joséphine et Jérôme. Mais merci d'avoir grimpé sur le bateau. C'était pas évident. Merci à toi, sans toi, on l'aurait pas fait. Donc merci tu à toi. Merci sur à les bateaux, toi. Oui, je grimpe sur les bateaux. Sur les bateaux, et c'est numéro 1 d'ailleurs. La métaphore du début. Exactement. Dans son île, on est fou et on est musicien. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais si vous aimez bien ce que je fais ailleurs, je pense que vous retrouverez l'humour. Moi j'ai pris tellement de plaisir à écrire pour ces comédiens parce que c'est la seule chose que j'accepte toujours. S'il y a un point commun entre Bloqué, La Flamme, Jack Mimoun, tout ça, c'est vraiment l'oseille. La poste. Non, pas, déjà. Pas du tout, pardon. Non, mais c'est incarné, c'est très incarné comme comédie. Et moi j'ai pris un plaisir fou à écrire pour ce et film. Et si vous n'aimez pas ce que je fais, vous pouvez venir parce que ça y est pas dans ce film. Vraiment. Plus complexe là, bon, merci beaucoup. Merci Florent, tout de suite le journal Laurent de la Housse. À dimanche. Pam tchéké pam tchéké pam pam pam pam bélé bélé bélé pam pam pam pam. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.